Bonsoir tout le monde et bienvenue dans la rubrique Geek pour un quatrième round de nos Corona Geekeries, le podcast qui essaye de vous accompagner pendant cette période un petit peu délicate de confinement en vous donnant quelques petits conseils geek, des choses qu'on a aimées, des choses qu'on a moins aimées. Pour m'accompagner ce soir, comme d'habitude, j'ai avec moi Spider-Matt. Salut. J'ai également à mes côtés l'homme qui a vaincu le Covid-19. Il était malade la semaine dernière à l'article, bon pas de la mort, mais t'étais pas en grande forme mon lapin. On a Dramout qui est de retour, comment vas-tu Dramout? Ça va, je suis Covid-man maintenant. Il est, he's alive, voilà, je vais parler un peu VO vite fait avec mon accent de merde. Et ce soir c'est encore une émission particulière pour nous, puisqu'on a le plaisir d'avoir deux membres de Comic City avec nous, une émission, enfin plus qu'une émission, une institution, mais on aura l'occasion d'en reparler, puisque nous avons avec nous ce soir le présentateur officiel Steve. Comment vas-tu Steve? Bonsoir, ça va très bien, et vous? Oh pardon, c'est quand j'entends ta voix, vraiment, ça me fait quelque chose, je suis tellement ému, ça fait des années que je jardine, enfin pas des années, un an et demi que je jardine en écoutant vos podcasts, mais putain, mais quel plaisir d'entendre ta voix, tu peux pas savoir. Et tu as l'habitude toujours de présenter ton collègue Sam avec un petit adjectif, permets-moi de le faire ce soir et nous accueillons avec plaisir l'inqualifiable Sam. Ah. Je me disais, je pensais que tu allais rester sur institution, ce qui tout d'un coup m'a rendu nerveux. Moi, une institution, ça y est, il ne reste plus qu'à la dépoussiérer et à l'enterrer. Les institutions ont tendance à pas durer très longtemps en France. Hein. En général, au bout de quelques décennies, on aime bien les enterrer. Oui, mais c'est toujours de bons souvenirs malgré tout. Donc... Ah, je suis à bons souvenirs maintenant. Bon. Comment ça va, Sam? Ça va, ça va, ça va. Comme je disais dans une émission récente... Bizarrement, alors je continue à travailler en alternance et comme ça fait très longtemps que j'ai pas pris de vacances, d'avoir des jours comme ça off, ça fait que toute la fatigue que j'ai accumulée ces derniers mois est en train de me retomber dessus. Mmh. C'est un peu bizarre. Oui, c'est... Donc je ne suis pas malade, contrairement à certains, d'après ce que j'ai compris. J'espère que tout le monde s'est bien remis, mais je suis dans une situation où c'est un peu à mi-chemin en fait là. Je reprends peu à peu de l'énergie, mais j'ai aussi des coups de barre. Ben, j'ai envie de te dire courage à toi, hein, parce qu'il va falloir, il va falloir tenir. Et on va dire un grand bonjour au chat. Et alors, pas bizarrement du tout, mais ça fait super plaisir, parce qu'il m'arrive quand même de suivre vos podcasts en live. Et il y a toujours des noms qui ressortent. Alors, il y a Gré Pigeon, et notamment aussi pour ses podcasts, qui est là ce soir, et on lui fait une grosse bise. Et j'ai vu passer Elijah Snow, pareil. Ça, c'est des gens qu'on voit tout le temps hein, sur votre chat. Donc, vous avez attiré du monde ce soir. Vous êtes des stars, messieurs. Oui, nous avons nos fidèles. Alors je ne dirais pas que nous sommes une église, mais comme je suis une institution, manifestement, on n'en est pas loin. Je viens également de faire un partage sur notre page Facebook, justement, pour essayer de faire plaisir aux gens et savoir qu'ils peuvent écouter. Oh là là, la langue française prend cher. Pour savoir qu'ils peuvent écouter l'émission comme à chaque en direct émission. Sur YouTube. Mais le Jean-Claude Van Damme du comics, quoi. Moi, je constate juste que, du coup, par rapport à vos habitués et sur le chat, on n'a pas Dark Hellboy. C'est vrai, Dark Hellboy n'est pas présent ce soir. Bande d'enfoirés. Ouais. C'est dégueulasse. Raconte l'anecdote, je t'en supplie, c'est toi notre petit Dark Hellboy d'amour. C'est parce que quand j'ai voulu me créer un pseudo sur MixLR, je voulais mettre Hellboy, parce que j'avais un logo Hellboy, mais seulement Hellboy était déjà pris, et c'est comme quand tu veux mettre un pseudo sur les jeux vidéo, soit tu mets ton code postal derrière, ou bon. Alors j'ai mis Dark devant, c'est passé. Ouais, parce que Hellboy c'était pas assez Dark, tu vois. Alors j'ai rajouté Dark à Hellboy, tu vois. Donc là, c'était bien, bien dark. Voilà. Et quand on a appris ça, on s'est foutu de sa gueule pendant deux semaines à peu près. Hein. Oh, grosso modo. Ça continue. Oh, bah, voilà. C'était les réglementaires, en fait. Voilà. Donc, voilà. Et est-ce que, à tout hasard, vous pourriez éventuellement, pour ceux, parmi notre public qui connaîtrait, qui connaisserait très, très pas. La langue française va manger très, très cher ce soir. qui n'aurait pas le plaisir de vous connaître. Non, je suis une merde. Mais pour celles et ceux qui n'auraient pas le plaisir de vous connaître, de présenter un petit peu Comic City et les multiples émissions extraordinaires qu'on peut retrouver chez vous. Alors, d'un avis commun, on avait décidé ça à l'avance, c'est Sam qui présente. Ah oui, c'est vrai. Ah, merci. Merci pour ce vote de confiance. Alors, Comic City a été lancé par Steve en 2008. En l'an de grâce 2008. C'est ça, de notre seigneur adoré, seigneur de comics, évidemment. Et parce que, je crois que tu me l'avais raconté à l'époque, tu avais juste envie de parler de comics. Voilà. Oui. Et tu n'avais pas grand monde dans ton entourage pour le faire. Et que ma copine de l'époque m'a dit, écoute, tu me saoules avec tes trucs, ça ne te dirait pas d'en parler sur le net. C'est ça, voilà. Oui. Tu trouveras d'autres gens. Et effectivement, comme on a inventé Internet, alors, à la base, pour créer le plus grand réseau pornographique de l'histoire de l'humanité, à un moment, on s'est dit, on va parler d'autres choses. Et effectivement, on a commencé à parler de comics. Donc, Steve a créé ça. Au début, c'était censé être des pastilles de mémoire de 20-30 minutes où on parlerait sortie un peu VF, un peu VO, et ça allait pas au-delà. Et là, c'est des boîtes de pastilles. Là. Oui, c'est un peu c'est ça, des, oui. C'est des palettes à ce niveau-là. Quoi. Bah, c'est surtout qu'on n'a pas vraiment la notion du temps et qu'on a beaucoup tendance à faire des points tangents. Voilà, on part sur des grandes autoroutes où on se perd parfois, mais... On arrive toujours à rentrer à la maison à la fin et à rentrer dans les 3 heures que nous impose ma Mixler. Voilà. Mais 3 heures, c'est limite trop court, en fait. Et du coup, comme émission, tu m'arrêtes si je me trompe, mais il y a le Comics Weekly, généralement. C'est ça. Le Comics Alors, City. Comics Weekly qui revient sur les sorties VO de la semaine. On glisse un peu d'infos quand on en a et ce qui nous intéresse en général. Ce qu'on a aussi à trouver, parce que j'ai... Vous préparez vos émissions. Nous, c'est à approximativement 8 minutes avant qu'on soit à l'antenne. Et eh ben ça près. Se voit pas du tout, sincèrement. merci, mais c'est toujours fait dans le rush. Ça fait 10 ans qu'on fait ça, c'est toujours dans le rush. Je sais pas comment, pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Parce qu'on a essayé de préparer et qu'on n'y arrive pas, donc c'est pour ça. Mais on aussi, s'est dit, bah, pourquoi se faire chier, ça marche pas, donc on va faire bon, ça à l'arrache. Steve a une vie, moi non, mais bon an, mal an, on s'y retrouve. Donc on a aussi le Comic City qui revient sur les sorties VF du mois. Mm-hmm. Donc c'est une émission mensuelle. Où vous pouvez m'entendre pendant des heures, parce qu'en général, c'est surtout moi qui parle à ce moment-là. Bon, Steve est là, heureusement, parce que sinon, je partirais encore plus sur des autoroutes qui dureraient des heures, mais au moins, voilà. On a lancé il y a un an et demi un nouveau format, non, même 2 ans. Oh, purée. Ouais, ça passe, hein. Ça passe à une vitesse. On a lancé le Comic City of the Future Past, où en fait, on revient sur ce qui sortait il y a 20 ans. En comics, VO, VF, séries télé, manga, animé quand on a le temps, film, tout ce qui peut nous passer par la tête et qui nous font revenir à cette époque-là. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on atteignait un âge, on va dire, respectable, voilà, pour être gentil, et qu'on avait tendance à beaucoup comparer à ce qui se faisait à l'époque. Ce qui est bien normal. Et il y a aussi l'émission des sports de lutte, le podcast. Oui, bah, je laisse Steve en parler. Mais que j'aime beaucoup aussi. Voilà, oui, le podcast qui revient sur l'actualité du catch en général et puis surtout un rapport des derniers pay-per-view et des derniers shows en général. Voilà. Et les petits Alors la date de diffusion est aléatoire puisqu'elle dépend de quand il y a du catch en fait, tout simplement. Et puis oui, le Rock City. Voilà, je vous mets au défi de ne pas trouver votre bonheur dans cette foule de podcasts. Et voilà, très sincèrement, ça nous tenait vraiment à cœur de pouvoir vous inviter à un moment ou à un autre, et puis de pouvoir partager avec vous ces quelques petites geekeries, ces quelques heures en votre compagnie. Et voilà, vraiment, on est très très heureux de vous avoir avec nous. Et on va pouvoir commencer, si vous êtes d'accord. Il manque quand même juste une émission, c'est vrai, pour toucher vraiment tous les sujets, et avec ça on s'est décidé le mois prochain à lancer enfin notre podcast de tricot parce qu'on touchait pas encore cette partie de la population, donc on va faire Tricot City. Ça va parler des Rock City, hein, je te signale. Si, c'est fait. Ah, oh, mais il écoute même plus. C'est oh, là il a déjà ça, tu manques d'attention, ça. c'est pas bien. Et on a lancé aussi des spéciaux là justement, ouais. Pour occuper un peu le film. D'ailleurs, il y en a un que j'ai écouté il n'y a pas tellement... il y a déjà un an, en fait, maintenant. C'était le double sur la saga du clone, qui était génial. Voilà. On s'est beaucoup amusé à le faire. Merci. On avait mis du temps à retrouver le temps pour faire le second, puis ça a demandé, là, effectivement, de la préparation, parce que c'est... Pour ceux qui n'ont pas lu la saga du clone, c'est un bordel sans nom, ce machin. Mm. Mais on conserve tous une petite affection et une place dans notre cœur pour cette saga qui est... à la fois le pire, mais aussi le meilleur de Spy. C'est beau. Putain, je pourrais t'écouter pendant des heures, ça. Mais on va passer la parole à mon cher Dramout, parce que toi, tu vas donc lancer ces Corona Geekry, et tu vas nous parler, là aussi, d'une institution, Black Sad. Ah ben, j'ai pris, J'ai pris Black Sat, comme ça, j'avais pas besoin de beaucoup en parler parce que je sais qu'après tu vas pouvoir en parler pendant 20 minutes. Donc hop là, travail à moitié fait, tu vois. Bah, tant mieux parce que ça fait partie de mes futures lectures, ça. Parce que je me suis remis au franco-belge en début d'année et donc Black Sat, évidemment, très haut placé dans la liste. Mais Black Sat, en fait, c'est assez particulier parce que c'est devenu vraiment une institution parce que c'est quasiment un classique par essence. Alors après, comme tous les classiques, il y a des gens qui sont d'accord, pas d'accord, il y a des gens qui adulent, etc. Mais ça reste que peu importe les différents avis, c'est devenu une BD qui est complètement rentrée dans le monument, dans les monuments de la BD franco-belge, quoi. Et c'était assez novateur au moment où c'est arrivé. Peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un qui le découvre maintenant, alors je sais que Gé va en parler tout à l'heure, mais quelqu'un qui le découvre maintenant n'a peut-être pas la même vision que les gens qui l'ont découvert du coup fin des années 90. Mais sa place dans l'histoire, elle est énorme. Black Sad, c'est comment dire, c'est un chef-d'œuvre dans l'histoire, etc. Après, bon, on peut ne pas aimer. Faut pas s'inquiéter parce qu'en général, les classiques, peu importe le temps qui passe, t'as toujours des forces qui restent. C'est ça. Moi, j'ai découvert Black Sad il y a à peine quelques années, hein, donc moi aussi c'était assez récent. Donc Black Sad très rapidement pour raconter aux gens qui ne connaissent pas, c'est une BD donc qui se passe dans un monde anthropomorphique, c'est-à-dire que les gens sont des animaux. Et c'est purement les codes des thrillers et des polars noirs des années 50. Donc l'histoire se situe dans un pays, dans une ville qui fait fortement référence en fait aux États-Unis des années 50, où on suit un détective privé qui s'appelle John Blacksad et qui va enquêter sur différentes histoires. Et on se rend compte que donc ce détective privé, il a un petit passif, que ce soit avec la police, il a un petit passif avec certaines stars, il a un petit passif avec quelques domaines, on va dire un peu mafia, de la rue, etc. Et c'est vraiment, moi je trouve que c'est une BD qui est vraiment complète et j'ai vraiment été happé. Moi je me souviens le premier tome quand je l'ai lu. Donc le premier tome, en fait, on suit l'enquête de la mort d'une grande actrice ou chanteuse qui finalement avait un lien avec Black Sad. Donc lui, ça lui tient à cœur en fait de vouloir trouver le coupable vis-à-vis de son histoire personnelle et un peu pour se venger, quoi. Il veut rectifier la justice. Je dirais pas plus pour pas spoiler. Et on se dit c'est un début qui peut être assez bateau, assez lambda dans tout ce qu'on voit en termes de polar noir, mais finalement c'est avec des codes et avec une construction qui fait toute la puissance du titre en fait. Que ce soit la caractérisation des personnages, que ce soit les décors, l'ambiance, la ville. On sent tout de suite qu'il y a beaucoup de choses qui sont derrière, même si en 50 pages, il n'y a pas tout qu'expliquer. On ressent tout l'univers, on ressent toute la profondeur de ce qu'il y a dans tout ce qui est non dit et dans tout ce qui est implicite. Et c'est ça que je trouve fort en fait dans le titre. C'est que même au premier tome, avec une histoire qu'on va dire qui est un peu plus classique pour pouvoir accrocher un peu tous les lecteurs et pouvoir s'adresser à tout le monde, on ressent tout le potentiel de la série et potentiel du coup qui sera complètement développé dans les tomes suivants. Donc forcément, on va dire un peu, une fois qu'ils ont eu la garantie de pouvoir faire une suite, là ils peuvent vraiment se faire plaisir, ils peuvent vraiment construire tout ce qu'ils avaient en tête. Mais même le premier tome, je pense qu'ils voulaient plus pour un peu amadouer le public, amadouer l'éditeur, être sûr qu'on nous donne le contrat d'après. Il est quand même, moi je trouve qu'il est d'une puissance folle, et après plus on avance dans les tomes, plus le récit gagne en profondeur, plus les personnages sont développés, plus l'ambiance de la ville, les groupes de personnages du coup, enfin propres au tome qu'on découvre sont toujours bien caractérisés, sont toujours bien construits. Pour moi c'est un bijou du 9e art. Et moi, indéniablement, Black Sad, c'est la BD que j'affectionne particulièrement, qui est un peu qui est sur mon piédestal Et voilà. Et j'en parle aujourd'hui bah, parce que en période de confinement, bah, je me suis dit que j'allais, j'allais me refaire une petite session à les lire. Et voilà. Et donc j'ai lu, comme j'ai relu le tome 1 et que je vais les relire un peu goutte à goutte pour les refaire, parce que je trouvais, je voulais saisir l'occasion d'en parler du coup. Et bah, t'as bien fait. Dis-moi, Steve, est-ce que t'as déjà lu Black Sad? Non, alors c'est quelque chose dont j'ai beaucoup, beaucoup entendu parler et je n'ai jamais pris le temps de le lire. Et ce Matt, je crois que toi non plus. Hein. Si, si, je l'avais lu il y a environ 2-3 mois, je crois. Ah oui. J'avais acheté l'intégrale à l'époque et Vincent m'avait poussé à le lire. Du coup, il était sur ma palle. Un... Oui, menacé de mort. Il était sur ma palle et je l'ai lu et je ne peux qu'être d'accord avec tout ce qu'il a dit. C'est vraiment un classique. C'est puis tout cet univers anthropomorphiste, c'est vraiment hyper bien géré avec des histoires hyper fortes dedans. Et je me souviens, il y avait vraiment 2-3 histoires hyper poignantes. Mais ouais, sinon Vincent a tout dit. C'est vraiment un monument de la BD franco-belge. Bah ouais, moi je veux pas et pour ajouter très vas-y. Rapidement, pardon, pour ajouter vraiment parce que j'en parle pas, niveau dessin du coup c'est Guarnido que certains ont peut-être pu voir sur les infos qui est sorti en fin d'année l'année dernière. Donc c'est des dessins en fait à l'aquarelle et moi c'est un style que j'adore en fait. C'est un peu ce que j'aime dans un peu dans certains types de BD, c'est que la BD a beaucoup moins gardé le côté, beaucoup moins de côté numérique de manière générale que le manga et le comics. Et on retrouve encore beaucoup de dessinateurs qui restent avec des vieilles, entre guillemets, techniques. C'est-à-dire qu'on retrouve, on a encore beaucoup de dessinateurs qui font de l'aquarelle, beaucoup de dessinateurs qui font du fusain, des trucs comme ça pour noir et blanc. Et pour le coup, enfin, ouais, je sais que l'aquarelle, c'est un style que j'affectionne particulièrement. Et Guarnido, c'est. Que ce soit du coup sur Raisin de Fourbe qui est sorti l'année dernière ou sur Black Sad, pour les gens qui aiment l'aquarelle, c'est d'une beauté. C'est d'une beauté sans nom, quoi. Moi, c'est. Dans les gens qui utilisent un peu ce style-là, c'est, pour moi, ça fait partie. Ça fait partie du top du top. Avec peut-être Dustin Nguyen. C'est le style. Je pense que l'auteur de Black Sad va plus loin, quoi. C'est plus maîtrisé, plus. Il a plus de temps, je pense. Est un peu dans le même type de palette, en fait. Pour l'instant, ça fait quelques années en fait qu'il est dans ce style, depuis qu'il a lancé Descender il y a quelques années. Donc, je pense qu'il est encore en phase découverte. Alors que l'auteur de Black Sad, ça fait 30 ans qu'il fait ça, donc il arrive à des sommets qui lui sont propres. Moi, le truc qui me... Enfin, je ne veux pas revenir sur le scénario, tout ça, ni sur le dessin dans son ensemble, mais ce qui m'a vraiment le plus impressionné, c'est d'arriver à dégager autant d'humanité en dessinant des visages d'animaux, autant d'expressions. C'est quand même juste hallucinant. Et à chaque fois, enfin, on voit bien le travail sur chaque page, sur chaque case, où il y a vraiment, enfin voilà, le premier plan, le second plan, le troisième plan, tout est dessiné, tout est vraiment super clair. Il n'y a pas un visage qui se ressemble. Et enfin, ouais, le mec au dessin, enfin, c'est juste absolument dingue. Je le trouve même encore meilleur sur Black Sad. Que sur les Indes Fourbes, personnellement. Sur Black Sad, je le trouve totalement incroyable. Alors, je ne saurais pas dire qui... j'ai pas noté le nom, en fait, dans les commentaires, mais il y a quelqu'un qui disait... Je crois que c'était Raphaël, qui disait que le tome 2 était vraiment, pour lui, le sommet de la série. Je sais pas si c'est le sommet, mais en tout cas, moi, le tome 2, il m'a complètement retourné, clairement. Que ce soit par les dessins ou bien par les thèmes abordés, j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment génial. Le tome 2, c'est celui qui me reste le plus en tête parce que il y a un discours derrière que je trouve fou, en fait. C'est-à-dire que il y a un discours de fond, on va dire un peu sociétal, qui est tellement bien amené. Il y a une telle subtilité que, enfin, moi, je trouve ça, c'est peut-être celui qui m'est peut-être le plus resté en tête également. Et en plus, enfin, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est comment il joue sur les caractères en fait par rapport à l'animal. C'est-à-dire, par exemple, il travaille avec un journaliste qui s'appelle Weekly, et Weekly, en fait, c'est une fouine, parce que justement, enfin, le journaliste il fouine, etc. Et machin, enfin, c'est vraiment ce côté-là. Et je trouve qu'il joue super bien sur la caractérisation en fonction des animaux. Eh bien, merci. Bah, si vous n'avez pas autre chose à rajouter, on va pouvoir passer à la geekerie de Sam. Et Sam, je crois que tu vas nous placer un petit coup de gueule. Léger, très léger, puisque je vous parlais de la prochaine saison de Ghost in the Shell, standalone complexe, qui devrait débarquer sur Netflix normalement. Je crois que les dates étaient vers le 24 avril. Mais nous avons déjà des images qui font froid dans le dos, qui n'annoncent pas du bon. Pour ceux qui se souviennent, en fait, Ghost in the Shell, standalone complexe, c'est une série dérivée de la franchise de Ghost in the Shell, qui a été développée au début des années 2000. On a eu deux saisons qui étaient stratosphériques, notamment la seconde, qui est sans doute la meilleure, pour moi, de très loin. Et en fait, pendant longtemps, la franchise est restée un peu vivante chez Production IG, qui est le studio qui réalisait ça. On a eu une espèce de préquel avec Ghost in the Shell Arise. Alors je sais que la plupart des gens détestent Arise, personnellement j'aime beaucoup. Et quand Netflix a annoncé « Oui, on va vous balancer une nouvelle saison de Ghost in the Shell », et on a eu les premières images qui sont tombées. Alors on a eu la première image qui était une image relativement réussie, mais plutôt dessinée. Et puis on a vu les premiers trailers, les premiers teasers. Et là, l'enthousiasme est passé à, on va dire, stade effroi, voire horreur, voire pitié, va des rétros, se rentrer chez vous et refaites-nous ça. Parce que je ne sais pas si vous avez vu la dernière saison qu'ils nous ont pondue sur Senseiya. Oui. Mais c'est à peu près le même niveau, visuellement. Oh putain. C'est de la 3D, mais dégueulasse, mais vraiment dégueulasse. Et je dis ça en sachant que les studios japonais, ça fait très longtemps qu'ils essayent de maîtriser le truc et qu'ils se plantent régulièrement. Si bien qu'à l'heure actuelle, alors, ces dernières années, il y a des dizaines de nouveaux studios d'animation au Japon qui se sont montés. Sur l'ensemble, il n'y en a qu'un qui véritablement a réussi à maîtriser cette technique qu'on appelle CGI ou 3D, et le studio Orange. Alors, on en a entendu parler récemment puisqu'ils ont fait la première saison de Beastars, qui gagne en réputation. Et pour moi, ils étaient arrivés sur la carte il y a 3 ans, quand ils avaient fait l'animation de L'Ère des Cristaux, donc Issei no Kuni en japonais, qui était spectaculaire. Et en fait, tu as Le Bon, donc, qui est ce seul studio qui véritablement y arrive à te présenter un truc qui ne te donne pas envie de vomir, et tous les autres. Je regardais un show l'autre jour qui disait à peu près ça. La plupart des animateurs 2D qui passent à la 3D, la première chose qu'ils font à partir du moment où ils font de la 3D, c'est qu'ils oublient à peu près toutes les leçons de base qu'ils ont apprises en animation. Et ça se voit, mais de manière absolument terrible. Pourtant, il y a des atouts. Enfin, c'est déjà la franchise Ghost in the Shell, qui est... t'as des personnages avec lesquels on vit depuis longtemps, t'as des films qui sont devenus cultes de manière quasi instantanée, des séries télé, des séries animées qui étaient excellentes, pour te pondre une merde ensuite. À un moment, je me demande, mais vraiment, est-ce que dans le processus de production, que ce soit au studio d'animation ou à Netflix, à un moment qui vérifie en fait derrière, qui se dit, attendez, c'est peut-être un peu de la chiasse ce machin, est-ce qu'on va pas arrêter et faire autre chose? Parce que ce truc a coûté de l'argent. Ça a coûté de l'argent, et ce n'est produit que parce que Netflix, enfin, ils sont pas complètement cons, je pense, veulent capitaliser sur le nom Ghost in the Shell. Parce que même si vous n'avez jamais vu les films, vous n'avez jamais lu le manga, vous n'avez jamais lu les séries, ou vu les séries animées, vous connaissez de nom. C'est forcé. Et dans cette espèce de catalogue quasi infini que se montre Netflix, avoir un nom reconnaissable, c'est indispensable. Donc en arriver à pondre une telle merde ensuite, je ne vais pas dire que c'est de l'accident industriel, mais on n'en est pas loin. Donc... on a vu le dernier trailer tomber. Je me demande si mon côté masochiste ne va pas me faire que je vais aller regarder le machin parce qu'il faut absolument que je regarde à peu près tout ce qui se fait sur Ghost in the Shell. Non, je n'ai pas vu le film en prise de vue réelle. Je ne suis pas passé à ce niveau-là encore. Voilà. Merci de ne pas me proposer d'aller un ticket simple en enfer. Allez, encore 15 jours de confinement et on en reparle. Oui, c'est ça. Est-ce que... ma question, non, Sam. J'ai de la chance, c'est que j'ai une bonne trentaine de bibliothèques. plein de comics, de mangas, de livres, de DVD. J'ai de quoi faire. Je peux rester 2-3 ans en confinement sans arriver au bout. Donc, ça va. Tu nous laisseras ton adresse en off pour de faire une petite bise une fois le confinement terminé. Si vous arrivez terminé. À percer le mystère Sam, je suis preneur. Non, mais c'est la réflexion qu'on s'est fait. C'est, tu es l'homme le plus discret d'Internet, je crois. Ah bon? Ah ouais, clairement. C'est impossible d'avoir une info sur toi, une photo. C'est. Ouais. Je t'assure. En fait, on fait des. Jules, merci d'ailleurs pour la miniature. Je suis une mère, j'ai oublié de te remercier. Jules, un collègue, nous fait des miniatures à chaque fois et impossible de trouver des photos de vous, hein, les gars. Impossible. Ah, peut-être un jour. Peut-être que je sortirai de confinement. De moi, c'est faisable. Hein. De toi, j'aurais pu trouver des trucs, en fait, des screens sur YouTube. Des hangouts, ouais. Mais voilà, ça aurait été dégueulasse. Et puis, voilà, on a préféré vous mettre en agent Smith sur la miniature. On trouvait que ça avait plus ça de gueule. Ça nous convient bien. Alors, qui veut rebondir sur Ghost in the Shell? Pas moi, parce qu'effectivement, Sam, je connais de nom, même très bien, mais je n'ai jamais vu ni jamais lu. Voilà. Ah, bah, je fais mon coming out. Voilà. T'as un petit confinement en cours, tu sais quoi rattraper. C'est peut-être, mais c'est que j'en ai un paquet de trucs à rattraper et je vais jamais m'en sortir. Jamais. Dramout, je crois que t'avais envie de dire quelque chose. Je le sens, je le suppute. Mais moi, j'aime bien Ghost in the Shell aussi, mais je savais pas du tout qu'il y avait une nouvelle série qui arrivait sur Netflix. Du coup, tu me l'apprends, je savais pas. Par contre, j'ai vu le film, moi. Va-tu me faire désespérer. C'est mieux que tu restes dans l'ignorance, en fait. Ouais, pas sûr que ce soit le meilleur moyen là tout de suite pour te donner envie, mais écoute, au moins t'as l'info là ce soir, tu vois, voilà. Non, si je devais commencer, conseiller à quelqu'un de commencer, soit par le premier film de 95 qui a très très bien vieilli et qui reste une claque à chaque fois que je le remate, soit la première série Standalone Complex qui reste correcte, elle monte en puissance et la seconde est pour moi la meilleure. Là, même le réalisateur principal de la série animée, il avait un peu de mal avec le personnage principal, Matoko Kusanagi, et c'est vraiment dans la seconde saison qu'il a compris le personnage. Donc là, il l'a vraiment saisi, il s'est dit « Ok, ce personnage il va dans telle direction, je peux la mettre en scène. » Eh ben écoute, Spider-Man, Ghost in the Shell, ça t'inspire, Steve? Quelqu'un? Personne? Bah moi j'ai les mangas et j'ai les animés, mais j'ai vu que le film pour l'instant. Alors faut faire attention, parce que le manga est très différent du film ou de l'animé, chacun va dans sa direction personnelle. Le manga est plus, c'est du fait de la date de production, parce que c'est du début des années 90, très influencé par le cyberpunk de l'époque, sachant que Shiro invente quasiment tout un nouveau pan du cyberpunk qui est assez impressionnant. Mais le film est très très différent parce qu'il est très imprégné des questionnements et des interrogations propres à Mamoru Oshii, qui est le réalisateur. Tu as toute une dimension contemplative, introspective, très philosophique qui se dégage de l'ensemble, qui est extrêmement profond. Alors que Shiro était plus dans l'exploration des thématiques politiques et technologiques. Mamoru Oshii, lui, va plus dans qu'est-ce que ça veut dire être humain quand il ne reste quasiment plus d'humain en vous. Parce que Ghost in the Shell, la plupart des personnages qui sont mis en scène, la seule partie de leur corps d'origine qui subsiste, c'est leur cerveau. C'est des thématiques proches de Gundam, ça. Oui, assez. C'est de toute façon sous-jacent au cyberpunk de manière générale. Voilà. N'allez pas voir le film là qui est sorti l'année dernière, qui pour moi, je ne l'ai pas vu, mais les quelques trucs que j'ai... Le simple fait que ce soit PG-13 est une insulte. C'est la preuve que le cinéma actuel et, je pense, une bonne partie de l'entertainment ne sait pas faire du cyberpunk. Voilà, c'est vraiment un genre qui est ancré dans les années 80 et le début des années 90 parce que tu as des thématiques qui sont de soumission, en fait, de l'être humain à la machine, qui sont très profondes, qui sont très ancrées dans cette décennie-là, qui sont dans la subversion de l'être humain au système, en fait. La machine est un symbole, mais c'est le système en lui-même qui pèse sur l'individu. Et ça, alors qu'on pourrait se dire, l'époque actuelle s'y prête encore, ils ne savent pas le faire. Ils te le lissent dans un beau, joli paquet, cadeau, marketing, voilà, qui va qui va plaire à la cible 15-25 ans qui le prenne pour des crétins. Voilà, il faut quand même le dire. On prend cette cible-là et cette tranche d'âge-là pour des crétins, ce qu'ils ne sont pas. Par contre, d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que ces films-là se plantent. Sur Netflix, il y a un réel problème avec tout ce qui est adaptation, que ce soit Senseiya, que ce soit Bleach ou Death Note, ou toutes ces choses-là. En général, c'est de la grosse merde, quoi. Donc je comprends pas trop ça. Ouais. Bah, comme je disais, ce qu'ils veulent faire avant tout, c'est se raccrocher à un nom, une marque. Voilà. Là, c'est la marque Ghost in the Shell. Avant, c'était la marque Senseiya. Sauf que, en fait, la jeune génération qui voit ça se dit, mais pourquoi ça a attiré un public à une époque ? Parce que c'est de la merde. Voilà, je pense qu'ils ne se font pas d'illusions sur le sujet. Et les vieux comme nous, qui ont grandi avec ça, on voit ça et on se dit, mais pourquoi vous insultez les trucs que j'ai aimés quand j'étais gosse ? C'est énerve tout le monde. Eh bien, merci. Je t'en prie. Moi, j'ai pas le droit d'aller voir Ghost in the Shell parce que ça m'a menacé de tout un tas de sévices absolument abjects si je ne rattrapais pas en priorité Kingdom. Donc, oui, bah, je peux aller voir aucun manga, aucun animé si je ne vais pas voir Kingdom d'abord. Donc, il a raison. Et puis il m'a menacé moi et toute ma famille. Mmh. Donc, bon, bah... Et tes amis, et tes proches, et voir les gens que tu croises en fait le matin. Je m'en fiche. Sam, c'est la c'est personne, pour ça que personne connaît son identité. C'est parce que c'est un serial killer en fait. Mais peut-être. C'est ça qui se fait discret. Mais peut-être. Ceux qui sont aussi discrets généralement sur Internet, ils ont des choses à cacher. Attention, Sam. Nous sachons, on l'a dit tout à l'heure. Et c'est oui, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, c'est grâce à toi que je me suis mis à Kingdom. Hein. Tu nous l'as bien vendu dans plusieurs émissions, dans plusieurs de tes geeks. Ouais, c'est clair. Je pense qu'à un moment donné, il y a un éditeur qui t'en doit une à un moment donné. Il y a un renvoi d'ascenseur qui doit s'opérer à un moment ou à un autre. Parce que, putain, ils ont fait des ventes grâce à toi, quoi. Et effectivement, Kingdom, c'est magnifique. Mais c'est pas le sujet. Et là, je vais me faire un petit kiff en passant la parole, mon cher Steve, puisque tu vas nous parler des sports de lutte. Oui, les sports de lutte. Je peux pas parce que là, j'ai pas de pitch. J'avais pitché ma voix sur le générique comme un gros sac. Pour avoir cette voix grave, absolument masculine. Les sports de lutte, notamment WrestleMania 36 qui s'en approche. Alors le catch, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est des gens qui se tapent, pour de vrai et pour de faux, mais pour de vrai, ouais. Mais pour de faux. disons que c'est pas faux, c'est scripté. Voilà. C'est-à-dire que le résultat est connu à l'avance, le reste, ils se mettent quand même des vrais coups. Hein, ils se tapent avec un scénario. Voilà. C'est ça. Ah, c'est rien de plus que ce que vous voyez quand vous regardez une série, tout est écrit d'avance, ça ne vous empêche pas d'y croire, bah, le catch, c'est la même chose. Et WrestleMania 36, WrestleMania tous les ans, c'est la grande fête du catch, c'est le Super Bowl du catch, voilà, pour donner une image assez proche. Et on est en pleine période de confinement, je crois que tout le monde est au courant, ce n'est pas que en France, c'est partout. Ce qui a posé énormément de problèmes pour la WWE, la compagnie mère, pour mettre en place son WrestleMania, puisque forcément le gros stade de 80 000 personnes, c'est un peu chaud là, est un peu compliqué. Ils ont donc décidé de continuer, et tout ça sans public. Donc ils continuent d'enregistrer des shows chaque semaine et de faire ça sans public. C'est pas très glorieux. C'est difficile. C'est même mort, hein, franchement. C'est pas très très agréable à regarder. Certains essayent de faire énormément d'efforts pour rendre ça vivant, mais c'est vrai que le catch sans public, c'est toujours très compliqué. Mais il y a pas mal de shows en fait qu'on voit ces dernières semaines du fait du confinement où il n'y a pas de public et où tu te rends compte que ça manque vraiment en fait. Ouais. Parce que c'est on n'en a pas conscience, on n'en avait pas conscience jusque-là, mais tu as en fait un vrai dialogue entre ce qui se passe sur scène et ce qui se passe avec le public. Et je pense que c'est amplifié encore avec le catch. Parce que une partie du scénario, alors j'en ai jamais vu, mais d'après ce que je comprends, t'as une partie du scénario qui dépend en fait de la réaction du public. Pour un bon show de catch, je dirais que la moitié... Enfin, il faut savoir emmener le public avec soi, mais si le public est formidable, ça fait une bonne partie du boulot pour que tout le monde passe une bonne soirée. C'est extrêmement important d'avoir un public qui soit réactif et qui gueule, qui hurle, qui réagisse aux gimmicks des différents catcheurs. Et le faire, en fait, c'est comme jouer une pièce de théâtre s'il n'y a pas de public, en fait. Putain, ça va être, ça va pas ressembler à grand chose. Il va manquer une espèce d'allant, ce retour. Et je crois que pour le catch, c'est vraiment encore plus vrai, encore plus flagrant. et ça rend même du coup un petit peu ridicule les efforts que font les catcheurs voilà, pour se rendre agréable, sincèrement. J'ai vraiment beaucoup de mal sans public. Hein. J'ai vu deux trois questions passer sur le chat là en direct. Je vois Rio56 qui demandait, il y a sur Toonami, il y a AEW, je connais pas trop la différence. En fait, c'est tout simplement deux compagnies différentes. C'est un peu comme Marvel et DC, quoi. Je schématise vraiment, mais c'est comme Marvel et DC, c'est deux compagnies bien bien différentes avec des catcheurs différents les uns les autres. Et il y avait, je crois, Schizophile qui demandait, l'équipe TV en passe plus, le samedi soir d'ailleurs. Alors apparemment, l'équipe TV qui diffusait de la WWE n'a pas trouvé de moyen d'enregistrer pendant le confinement. Donc pour le moment, ils ont suspendu les diffusions. Et tu sens quand même que Steve, il a du métier. T'as vu, il gère même le chat. Pardon. Fais-toi plaisir. Ça fait plaisir. Vas-y. Et concernant WrestleMania 36, alors ce qui s'est passé, c'est que l'État de Floride, puisque ça devait se passer en Floride cette année, à Tampa Bay pour être précis, l'État de Floride n'avait pas mis en place un confinement généralisé. Ils avaient interdit les rassemblements à plus de 50 personnes. Oui. Ce qui est compliqué. Ce qui est compliqué pour faire un show, quoi. Ne serait-ce que pour filmer simplement les shows weekly, c'est très compliqué, puisque déjà avec toute l'équipe technique, ils l'ont réduite au minimum. Ils se sont entraînés dans ce qui s'appelle le Performance Center, qui est en fait l'endroit où ils vont s'entraîner au naturel, mais il n'y a pas de caméra, il n'y a pas tout ça. C'est juste des rings, quelques rings, et puis des moyens pour les catcheurs de s'entraîner, de pratiquer l'art, ce qu'on appelle de la promo, c'est-à-dire de discuter, de raconter une histoire, et en même temps de s'entraîner sur le ring avec d'autres catcheurs. Donc ils ont investi le Performance Center, ils sont tous logés dans des hôtels proches, où ils font des réunions, ils ont quasiment squatté un hôtel en virant tout le monde et en prenant un peu toutes les chambres. Le matin, ils font des réunions de production, et l'après-midi, ils enregistrent à fond. Sachant que le gouvernement de Floride s'est prononcé en début de semaine et annonce un confinement généralisé à partir... Alors maintenant, il est effectif, puisqu'il était à partir de jeudi 23h59, donc dès vendredi matin, minuit... il y avait un confinement général. Ils se sont dépêchés d'enregistrer tout un tas de shows, que ce soit des shows hebdo, comme le WrestleMania, qu'ils ont quand même décidé de faire. Et les dernières infos qui sont sorties dessus... Alors, les shows ont été enregistrés entre mercredi et jeudi. Ils ont tout fait avant le confinement. Et c'est d'ailleurs un des reproches que beaucoup font, c'est que le confinement annoncé par le gouverneur de Floride arrange bien les affaires de Vince McMahon et de la WWE, puisque le confinement est prononcé juste après l'enregistrement de WrestleMania. Oh, donc, quel hasard. Il y a une certaine collision qui est assez... qui est très bizarre, quoi. La santé des gens passe après certains intérêts financiers, dirons-nous. Oui, ça, on ne va pas en douter. Hein. Disons que c'est partout pareil, quoi. Ouais. Mais là, peut-être, il y a des endroits, c'est un peu plus pire. Je suis désolé, ce n'est pas français, mais... Et les infos qui sont tombées, les dernières infos qui sont tombées concernant WrestleMania sont tombées les deux derniers jours là, parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Ils ont enregistré tous les matchs, alors ils ont décidé finalement de faire deux soirs au lieu d'en faire qu'un seul, de diffuser ça à la fois sur le samedi 4 avril et aussi le dimanche 5 avril. Il y aura une moitié du show le samedi soir, l'autre moitié du show le dimanche. Tous les matchs ont été enregistrés d'avance, donc ils vont pouvoir en plus faire des matchs bien montés. S'il y a une petite prise qu'on appelle un botch, hein, une petite prise ratée, ils vont pouvoir la couper et mettre ça sous un autre angle ou la refaire. Donc on risque d'avoir techniquement quelque chose de très propre. Maintenant, certaines superstars ont décidé de se retirer à la dernière minute, ce qui va changer tous les plans. Et notamment, un de ceux qui avait le match pour une des ceintures principales, Roman Reigns, qui a décidé de se retirer totalement de cet enregistrement, de ne pas participer, alors qu'il était en lice pour une des ceintures de champion du monde. Parce qu'il a une histoire un peu compliquée. Roman Reigns est un catcheur qui a eu une leucémie. Deux même, c'était une rechute. Ouais, qui a fait une rechute. Et il a été obligé de l'annoncer publiquement à ce moment-là. Il avait toujours caché le secret pour pas être plaint, pour pas qu'on le pleure dans les chaumières. Et c'était tout à son honneur d'avoir caché cette chose-là. Malheureusement, quand il a fait une rechute, il a été obligé de l'annoncer publiquement. Et de par la situation, de par le fait que certains catcheurs commençaient à avoir des symptômes et ont décidé de eux-mêmes se mettre en quarantaine, pour lui c'était trop risqué. Il a eu une leucémie, il est immunodéprimé, c'est difficile de lui demander de prendre des risques à ce point, quoi. Son système est quand même moins en forme que les autres. même s'il a une super condition physique, le mec est buildé comme un tank, qu'il a vraiment une très très bonne condition physique, il a quand même un système qui est moins bon, un système immunitaire moins bon. D'autres catcheurs se sont retirés aussi. On a appris que The Miz, qui devait avoir un match, s'est retiré aussi. Andrade s'est retiré pour cause de blessure, lui aussi devait avoir un match. Ça devient compliqué. Je ne sais pas ce qu'ils vont nous sortir, ça devient très compliqué. Sachant qu'ils avaient enregistré les shows post-WrestleMania aussi. Surtout pour le match Roman Reigns-Goldberg. Est-ce qu'ils vont faire revenir The Fiend ? Est-ce qu'ils vont peut-être changer les plans à la dernière minute ? Parce que déjà que ça avait fait quand même grincer des dents le fait que Goldberg prenne la ceinture. Enfin, c'est même plus que grincer les dents à ce niveau-là. Enfin, moi, j'avais halluciné, mais bon, enfin, c'était... Je trouve complètement con, mais bon, après, c'est juste un avis perso. Mais et puis, de pusher de cette manière-là Roman Reigns, c'est pareil, c'était un peu grotesque. Le fait qu'il se retire, honnêtement, moi, je peux pas lui reprocher, hein, loin de là. Hein. C'est vrai qu'il faut quand même penser à sa santé. Il n'y a pas que le catch dans la vie. Et c'est vrai que, vu par où il est passé, en sachant qu'il aurait... il y avait un bon pourcentage de chances quand même qu'il y reste, hein, tout simplement. Après, ça le s'est mis. C'est déjà bien qu'il soit en vie, donc il vaut mieux faire attention. Par contre, c'est vrai que la gestion de WrestleMania avec les assurances, voilà, pour essayer de ne pas perdre de pognon, pour... c'est vraiment l'argent roi, mais au premier degré, c'est vraiment... c'est sale, quoi. Mais bon, malheureusement, on vit dans un monde comme ça. Et ce qui est dingue, c'est ce qui est censé être la plus grande fête du catch chaque année, sur WrestleMania. J'ai bien peur qu'on assiste à la plus grande débâcle de l'histoire du catch. Il y a quand même un bon pourcentage de chances que... Enfin, de toute façon, ça va rester dans les annales, c'est sûr et certain, ce 36e opus. Ouais, mais... Ce sera peut-être les annales au sens propre. Ce sera peut-être pas de la meilleure des manières, quoi, mais bon. C'est quand ? C'est dans 2 semaines, c'est ça ? C'est samedi 4 et dimanche 5 avril, donc le week-end prochain. D'accord. Bah, je vais quand même aller le voir. C'est... Oui. Et tout à l'heure, on en parlait en off, et j'ai vu que Francky en parlait sur le chat. Pour l'instant, et pour quelques jours, le WWE Network est gratuit, en accès limité. Vous n'avez pas tout, mais vous pouvez revoir notamment pas mal d'anciens shows, ce genre de choses. Alors, vous avez tous les pay-per-view qui sont en accès libre. Ouais. Tous les shows, et depuis WrestleMania numéro 1. Et je me suis fait un petit plaisir là, cette semaine à regarder WrestleMania 1 et... Le tag classique, donc deux pay-per-view de 1985. Ça pique un peu les yeux, mais franchement, ça valait le coup de les revoir. Le Hulk Hogan contre André le Géant, c'est pas lui. C'est dans le 3, ça. Ah, d'accord. Je sais même pas qui c'est le 1. Le main event, c'était Hulk Hogan contre... Oh, bah, je l'ai revu cette semaine, ma mémoire est défaillante. Voilà, le confinement me tue. C'était un tag team, alors je confonds avec le deuxième, le tournoi. Parce que dans le deuxième, c'était un tag team entre Hulk Hogan et Mr. T. Ah oui. Face à... Non, c'était dans le WrestleMania. Face à Roddy Piper et je ne sais plus qui était l'autre. Putain, c'était un match, c'était un très bon match. Et dans le deuxième, on a aussi beaucoup de Macho Man, Randy Savage, enfin... Voilà, c'est vraiment du vieux, quoi. Donc vous avez tous les pay-per-view accessibles. Vous avez les shows des deux derniers mois, que ce soit Raw, SmackDown, NXT UK, Main Event également. Vous avez les émissions qu'ils produisent eux-mêmes, à savoir les émissions de documentaires, donc les WWE Untold, les WWE 24. Il y a aussi la série qu'ils font actuellement, Ruthless Aggression, qui revient sur toute l'histoire de ce qu'ils ont fait depuis 2003. Donc tout ça, c'est gratos, donc c'est plutôt cool, et pas besoin d'utiliser votre accès 30 jours. C'est vraiment accessible gratuitement, il y a juste à vous créer un compte et vous n'avez rien à payer. Alors jusqu'à quand ce sera offert, on ne sait pas. Il n'y a pas de date de fin d'annoncer pour le moment. Il faut en profiter tant que c'est là, quoi. Ouais, c'est clair. Puis il y a vraiment des bons shows à revoir, hein. Ça, puis, s'il y a des choses à voir, c'est, je veux dire, les pay-per-view sont là où ils mettent vraiment le paquet, donc ça, vous pouvez y aller. J'ai vu passer une petite question tout à l'heure, j'aurais bien aimé y répondre. C'était Rio56 qui disait pourquoi Cody Rhodes a quitté la WWE pour la AEW. Alors, À la WWE, il était très mal utilisé. Il en avait marre, ça ne lui plaisait pas. On ne le pushait pas assez à son goût. Pusher, c'est-à-dire c'est mettre un catcher en avant. On lui faisait jouer des rôles nuls. Hein. C'était Stardust. Enfin, c'était pas bon. Et en plus, on ne l'utilisait quasiment pas, quoi. Donc, quand son contrat est arrivé à terme avec la WWE, il a décidé de partir au Japon. Et il a commencé à catcher sur le circuit indépendant et au Japon à la NJPW. Il a rejoint des potes à lui, à savoir Kenny Omega et les Young Bucks. À eux, ils ont formé un groupe qui s'appelle l'Elite. Et finalement, ils ont décidé de monter leur fédération de catch, la AEW, aux États-Unis, grâce à Tony Khan, accompagné financièrement grâce à Tony Khan, le fils de Shade Khan, qui est le président des Colts, je crois. Je ne voudrais pas dire de bêtises, ou des Jaguars, je ne sais plus. Enfin, une équipe de foot US. Qui a plein de fric, et les mecs ont monté ça, et c'est pour ça qu'ils ont monté leur fédération, pour proposer une alternative à la WWE, proposer un produit différent où les catcheurs seront plus libres, où les choses ne seront moins scriptées, puisqu'il faut savoir qu'à la WWE, c'est le président qui décide de tout. Ouais. De tout, au point que bah, certains catcheurs, non, on fait ce que. Soit ils font ce qu'ils disent, soit ils ne sont pas utilisés. Et qui, quand on n'est pas utilisé, on n'est pas payé. Ou alors utilisé d'une manière totalement dégueulasse pour les ridiculiser aux yeux du public, et que justement, si jamais ils quittent la WWE, et ben ils perdent un petit peu leur image de marque. Hein. Enfin, ils ont une utilisation parfaitement dégueulasse. Il y a j'ai mangé son nom, là, celui qui s'est barré là, de la WWE. Anciennement Dean Ambrose, voilà, John Moxley, voilà, sur le circuit indépendant. Qui l'avait bien expliqué dans un podcast. Et voilà. Et la AEW, pour le coup, je dirais que la WWE, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est vraiment entertainment un peu enfant, tout public, vraiment. De toute façon, c'est dans le nom. Hein, WWE, ça veut dire World Wrestling Entertainment. C'est assez soft et un peu cucul à praline. De temps en temps, et la AEW, on renoue quand même beaucoup plus avec du vrai bon catch, avec des bons scénarios, et voilà, c'est vrai que on a souvent des remarques, notamment tu vois dans les gens qui connaissent pas forcément le catch, qui se disent c'est des conneries, c'est juste des mecs, c'est du chiqué, c'est tu le disais très bien, c'est comme regarder en fait une série télé. Dans une série télé, les mecs ils se mettent des coups de flingue, rassurez-vous, c'est des balles à blanc, hein, ils meurent pas pour de vrai. Et ben là c'est la même chose, sauf que c'est en direct et il n'y a pas de doublure. Et les mecs, il faut qu'en direct, ils soient en capacité de réagir s'il y a une couille, de réagir pour réussir à faire soulever la foule, à la faire adhérer. Enfin, attention, hein, c'est vraiment, vraiment pas donné à n'importe qui d'être un grand catcheur. Hein, vraiment. Tu prenais l'exemple du théâtre tout à l'heure et c'est tout à fait ça. Ouais, voilà. C'est tout à fait ça. Mais avec des mecs qui sont capables de se jeter de 3-4 mètres de hauteur. Voilà. Alors, je vous assure que même si c'est dans la mesure du possible contrôlé, évidemment, il y a des blessures qui sont gravissimes. Il est arrivé aussi les coups font mal, hein. Qu'il y a des morts hein, aussi sur le ring. Hein, un truc qui foire. Bon, il y en a eu plusieurs. Ouais. Mais voilà, il y a. On parlait tout à l'heure en off du combat de la AEW là avec les Young Bucks, Adam Page et Kenny Omega. Oh, putain, les Young Bucks, enfin moi je les connaissais pas du tout avant de voir la AEW. Putain, ces gamins, enfin c'est pas des gamins, ils doivent avoir une trentaine d'années, mais ils sont incroyables. 33 je crois pour le plus vieux et 29 pour le plus jeune, un truc comme ça. Putain, j'aurais aimé être tanké comme ça à 33 ans, mais bon, bref. On a Franck qui nous pose une question pour G ou Steve, ce sera pour toi Steve. Si vous avez vu le doc Beyond de Matt, c'est un docu WWE, donc possiblement arrangé ou un doc indé. Ah, je vois pas du tout ce que c'est. Je l'ai pas vu non plus, je ne sais pas ce que c'est Beyond de Matt, je l'ai pas vu du tout. Je pourrais pas y répondre malheureusement. Je vais juste faire une petite recherche pour voir ce que c'est, mais... Et ouais, effectivement, on en a parlé avant le début de l'émission. On sait qu'on est. Bon, déjà, je pense que c'est aussi le plaisir de vous avoir autour de la table, mais on est extrêmement bavard. Et on en est à 3 geekeries sur 13 en une heure d'émission. Waouh, la vache! Moi, je suis désolé. Moi, ça me rappelle la maison. Vous utilisez la parole. Alors, de ce que je vois, Beyond the Mat, non, c'est un véritable documentaire, c'est pas arrangé, quoi. D'accord. Ça revient sur principalement sur Mick Foley, Terry Funk et Jake Roberts à l'époque où ils étaient à la WWF puis à la ECW. Jake the Snake. Oh là là, oui. Putain, c'est ancien. Oh là là, lui il arrivait avec un serpent sur le ring et une belle tête de pilier de bar. Jake the Snake est pas si ancien que ça puisqu'il est de retour à la AEW actuellement. Ouais, je l'ai vu passer, j'ai halluciné. Hein. Mais le serpent est mort, on m'a dit. Hein. ouais, il a lâché le serpent, il est juste un manager maintenant. Allez, on va passer à la geekerie de Matt. Et là, c'est pareil, hein, mon très cher Spider-Matt, là, tu t'attaques un sacré truc. Et tu vas nous donner envie, je le sens. Oui, ces deux, trois derniers jours, j'ai lu Marshall Law, disponible chez Urban Comics, scénarisé par Pat Mills et dessiné par Kevin O'Neill. Alors, Pat Mills, c'est un poids lourd du comics, un poids lourd anglais, qui a notamment beaucoup bossé sur Judge Dredd. Et à la base, en fait, il faut savoir que Pat Mills, il l'explique très bien dans la postface du comics, c'est qu'il déteste foncièrement et viscéralement la figure même du super-héros, en fait. Pour lui, il aimait bien, à la base, les premiers pas de Peter Parker en tant qu'un Spider-Man un peu maladroit, frustré, qui découvrait un peu ce qu'il allait devenir. Mais très vite, il a lâché l'affaire, et pour lui, c'est vraiment... il ne faut pas lui parler de super-héros, quoi. Et du coup, ça se ressent vraiment, en fait, dans ce comics. Donc, le pitch, c'est quoi? C'est que San Francisco, en fait, a été ravagé par un tremblement de terre, et que de ses cendres est né San Futuro. Et à l'extérieur de San Futuro, donc ce qui est un peu appelé la vieille ville, se battent des gangs de super-héros. Donc dans cet univers-là, en fait, les super-héros, ce sont des humains génétiquement modifiés par une entreprise privée, et qui étaient à la base envoyés ce qu'ils appellent la zone. En gros, c'est un peu l'équivalent dans notre monde de ce qui s'est passé un peu au Vietnam. Et donc ces héros déchus revenus à la vie réelle, à la vie de tous les jours, se sont retrouvés clodo dans des gangs. Et donc vu que la police, il n'existe même plus de police, parce que de toute façon la police ne pouvait rien faire contre ces êtres, ils ont engagé des mercenaires par le fait. Marshall Law est l'un d'eux, et son but, c'est de péter la gueule des super-héros et de les amener en tôle, ou directement de les buter. Et le récit, en fait, se compose vraiment en quatre go arcs. Le premier, c'est vraiment la mise en place, avec une équipe de super-héros basée sur le christianisme et la foi religieuse. Et en fait, on a le meneur de ce groupe qui s'appelle l'Esprit Civique. Et en fait, c'est le protecteur de The Boys. C'est ce premier arc, c'est The Boys en plus trash. Ça m'a même choqué parce que c'est... Trash. Ouais, plus trash que The Boys, j'ai trouvé. C'est vraiment The Boys. Et donc, on a vraiment la mise en place sur ce premier arc. Le deuxième arc, on a en fait... C'est une parodie des super-héros Marvel et DC. Et à un moment, c'est très drôle parce qu'à chaque super-héros, donc on reconnaît hein, les super-héros comme Spider-Man. Oui, voilà, c'est ça, ou les Spider-Man, les Mister Fantastic et compagnie. Et à chacun, ils leur collent une étiquette avec la maladie mentale qu'ils ont, en fait. Et en fait, quand on y réfléchit, c'est assez logique, entre guillemets. Donc ça, c'était assez très drôle, dont une grosse revisite du mythe de Batman. Qui était vraiment savoureux, j'ai trouvé, super bien faite. En fait, à chaque fois dans ce qu'il raconte, Pat Mills, il y a vraiment un second niveau de lecture qui est vraiment hyper bien maîtrisé. Par exemple, à un moment, on a une attaque de zombies totalement délirante, what the fuck, et décalée. Des fois, je me demandais ce que j'étais en train de lire, et au final, je me suis rendu compte que Pat Mills, c'était juste une parodie des scénarios complètement pétés que la suspension d'incrédulité nous fait accepter quand on lit une histoire de super-héros, en fait. Et c'était vraiment donc une parodie de ça, même à la fin, donc le dernier arc qu'on a, une parodie des X-Men. Et ce qui est marrant, c'est que tous ces différents groupes de super-héros, en fait, eux, ils se prennent au sérieux. Pour eux, ce sont des héros, ils sont légitimes. Et Marshall Law, en fait, c'est le seul qui se rend compte que non, tout ça, c'est des conneries. Que les héros, c'est tous des connards, que c'est pas possible d'avoir autant de pouvoir et d'être tout beau, tout propre et irréprochable. Parce que, par exemple, chez DC, la Justice League, on peut dire ben, les gaffes qui ont pu être faites, c'est genre Batman qui cherche une solution pour mettre les bâtons dans les roues au cas où que ben, Superman pète un câble, que Green Lantern pète un câble, ça peut être ça, mais il n'y a jamais vraiment des histoires un peu plus sordides de qui couche avec qui. Et c'est vrai que quand on y pense, la vision des super-héros que là on nous offre dans Martial Law ou même dans The Boys, hein, dans toute cette déconstruction du mythe super-héroïque, bah c'est plus crédible que ce qu'on lit chez DC ou Marvel tous les jours. Et donc pour le coup, ouais, pour moi, c'était vraiment une grosse, grosse surprise. En plus, pour un récit qui a commencé en 87, bah, je retrouve vraiment tous les ingrédients. Ouais, en 87, je retrouve vraiment tous les ingrédients qu'il y avait dans. Enfin, pour moi, le premier arc, c'est plus ou moins The Boys, en fait. Donc ça m'a vraiment étonné, en fait. Je ne m'attendais vraiment pas à tomber sur ça. Je reviens sur le deuxième arc, mais le deuxième arc, je rigolais tout seul devant mon bouquin. On nous montre une sorte de Red Richards qui parle à sa femme invisible, mais en fait, il ne parle pas à sa femme invisible, c'est qu'en fait, il n'a pas de femme invisible. En fait, il est juste fou. Et enfin, c'est plein de petits trucs comme ça. Spider-Man, il était décrit comme un héros en train de lâcher sa toile, entre guillemets, du haut des immeubles, en gros, lâcher son sperme dans la rue, enfin, tout des délires comme ça. Un dimanche comme un autre. Voilà. Et à chaque fois, il leur collait une étiquette avec les délires paranoïaques réels, hein, qui existent vraiment dans le jargon psychiatrique. Et en fait, quand on y repense, on fait bah ouais, en fait, ouais, ça pourrait être ça. Donc voilà, ouais, vraiment une très grosse surprise qui plaira, je pense, à tous ceux qui ont vraiment aimé The Boys. Quoi. Sam, Steve, est-ce que vous avez lu Martial Law? Est-ce que vous avez envie d'en dire un petit mot? Moi, j'ai jamais lu de comics de ma vie, donc je sais pas. Ouais, mais ça. On fait semblant depuis 10 ans. On voulait pas le dire, ça, voilà. Mais nous, on le dit tout le temps, on fait semblant, on ne regarde que les images et on invente. Suspension d'incrédulité, tout ça, voilà quoi. Je sais pas si vous l'avez lu. C'est un truc que j'ai entamé plusieurs fois, mais j'ai pas réussi à accrocher. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas retenté la chose, mais j'avais du mal à accrocher, en fait. Il y avait un côté, justement, un peu punk, un peu trop prononcé à mon goût, que ça me... que j'arrive à rentrer dans le récit. Oui, c'est complètement punk, en fait, hein, ouais. Et mon cher Sam ? Non, toujours pas. Toujours pas. Non, mais la description que vous en faites, oui, ça va clairement être pour moi. Bah, il y a Dragnir, ça je sais qu'on l'avait reçu, il nous en avait parlé aussi, et il en avait aussi très très bien parlé, effectivement, ça donne envie. Moi, c'est vrai que le côté punk, ça me fait un peu peur. Je me laisserais peut-être tenter à l'occasion, au moins déjà l'ouvrir chez mon libraire, me faire quelques petites pages comme ça et voir, parce que le dessin, là, je sais pas, j'ai peur, tu vois, instinctivement, j'ai pas envie d'aller dessus, mais je sais pas, faut voir. Ah, bah, il faut s'habituer au style de Kevin O'Neill, ça c'est clair. Eh bien, je crois qu'on va passer à la geekerie suivante, si t'es d'accord. En même temps, si t'es pas d'accord, Spider-Man... Oui, hein. Moi, j'ai tout dit. Allez-y, foncez. En plus, c'est dans la collection Urban Cult, qui est une édition absolument fabuleuse, je trouve. Oui, oui, ils font une très bonne boulot dans ce film. Bah, j'en ai qu'un, c'est le Camelot 3000. Oui. J'avais vu passer tout à l'heure la question sur le chat. Y a qu'un seul tome? Oui, c'est en un seul tome. Ouais, ouais, c'est tome unique. Et c'est vrai que la gamme culte, elle est vraiment très jolie. C'est propre. Ils avaient fait sortir aussi le Something de Len Wein et Bernie Wolfstone dedans. En noir et blanc, c'était superbe. Et Camelot 3000. Enfin, et Camelot 3000 ouais. qui est magnifique. Ouais. Pareil, je mets là, il est superbe. L'édition est vraiment top. Et pour ma part, on va quitter le monde des comics pour revenir un petit peu... Dans le domaine de la franco-belge, mais surtout on va partir en mer avec les pirates et ce genre de choses. Et Ah, tu veux reparler de WrestleMania encore? Ouais, bah c'est vrai que ça reste dans le thème. Ça reste dans le thème. Moi, je vais vous parler de Long John Silver. Long John Silver, c'est une bande dessinée en 4 tomes qui est sortie entre 2007 et 2013 chez Dargo. Donc vous pouvez retrouver soit les 4 tomes ou alors là récemment il y a 2 intégrales qui sont sorties. J'ai oublié de noter les prix. Ah oui, vois les images. Et ça envoie. Oh là là là là, c'est vraiment incroyable et je vous conseille vraiment plus les intégrales que les tomes simples parce qu'ils sont évidemment enrichis de tout un tas de petites anecdotes sur la construction de la bande dessinée. Donc vraiment Et l'objet en lui-même est tout simplement magnifique. Alors, qu'est-ce que c'est que Long John Silver? Long John Silver, c'est un personnage qui a été créé par Robert Louis Stevenson dans son célèbre roman L'île au trésor. Et Xavier Dorisson et Mathieu Loffray ont décidé de raconter une possible suite à cette histoire de L'île au trésor. Et je dois dire que c'est un principe qui m'a énormément tenté, parce que L'île au trésor, je l'ai lu quand j'étais, on va dire, un jeune adolescent. Et c'est un comme livre... Comme nous tous. Ouais, mais qui m'a... Oui, Je crois que c'est une lecture qu'on fait surtout à l'adolescence, en fait. Bah, je crois que ça fait partie des lectures imposées, de toute façon. Je l'avais lu pour moi. C'est peut-être l'envie d'émancipation, d'évasion qui joue un peu plus à ce moment-là dans notre vie, qui nous donne envie éventuellement de partir à côté de ces fabuleux marins pour des pays. Non, mais je veux dire, la lecture est imposée à l'école, en fait. Ah non, pas du tout. Ah non. Pareil, moi je l'ai lu, ça n'a jamais été imposé à l'école, je l'ai lu parce que j'avais envie de lire. Ouais, ouais. Moi, de mémoire, j'avais vu le film Disney des années 50 ou 60. Et ça m'avait donné envie, et j'avais voulu lire le bouquin, et le bouquin était évidemment bien mieux, et c'est là que j'avais pu faire la connaissance donc de ce personnage absolument incroyable qu'est Long John Silver. Si vous n'avez jamais lu et que vous nous écoutez évidemment, L'île au trésor, alors vous pouvez y aller, mais que vous ayez 12 ou 40 ou 60 ans, L'île au trésor, ça, c'est totalement indémodable et c'est absolument incroyable. Et donc forcément j'attendais avec impatience la lecture de cette bande dessinée, parce que pour moi derrière ce titre de L'île au trésor, il y a vraiment cette promesse de voyage, de bateau, de mer. Enfin voilà, j'ai vraiment ressenti tout ça à la lecture de ce bouquin, et je trouvais que c'était quand même un thème assez casse-gueule que de vouloir reprendre un personnage de l'histoire de L'île au trésor comme est Long John Silver, qui est un personnage mais ultra emblématique, ultra badass et ultra attachant aussi par certains aspects, et c'était ultra casse-gueule parce que il fallait lui donner finalement un visage, un vrai visage, et avoir le culot quand même de raconter une histoire en passant derrière Robert Louis Stevenson, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc le pitch, grosso modo, ça se passe à peu près 10 ans après les événements du livre. On a en 1785, si je dis pas de conneries, et on a un Lord Byron Hastings, qui est du côté de l'Amazonie, et qui a réussi à trouver la cité cachée de Guyanapanac. Et voilà, la moitié de son équipage est décimée par la malaria. Enfin, c'est vraiment, on sent que c'est une expédition qui a vraiment été... très très compliqué, et parallèlement à ça, alors qu'on le sent quasiment soit au bord de la mort, soit au bord de la folie, on a sa femme, Lady Viviane. Ça fait plus de 3 ans qu'elle n'a pas de nouvelles de son cher Byron, et elle a décidé de dilapider vraiment le fric de la famille, de coucher à gauche à droite, etc. etc. Et il y a le frère de son mari qui revient au pays pour lui annoncer que son mari n'est pas mort. Elle prévoyait éventuellement de se remarier avec quelqu'un d'autre qui était lui aussi immensément riche, parce qu'elle était en plus une thune, et que, étant donné qu'elle avait fauté, elle allait finir dans un couvent. Évidemment, elle apprend que son mari a trouvé une cité d'or, ni plus ni moins, et elle a une carte, elle a récupéré une carte à son beau-frère, et elle décide de rentrer en contact avec le docteur Livesey, qui est lui aussi un personnage de L'île au trésor, pour... la mettre, elle, en relation avec Long John Silver, un pirate émérite, pour peut-être réussir à partir en expédition pour qu'elle puisse avoir une part de son magot. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, les premières pages. J'ai vraiment, vraiment pas été déçu, parce que, d'une part, j'ai trouvé que le scénariste, donc c'est écrit à deux mains, Dorisson et Loffray. Loffray s'occupe des dessins. J'ai vraiment trouvé qu'il faisait un travail extraordinaire, qui réussissait vraiment à nous représenter Long John Silver, et bien comme on avait pu le laisser dans le roman de Robert Louis Stevenson, c'est-à-dire vraiment aussi attachant que machiavélique. Il y a des planches qui sont de toute beauté, qui font véritablement ressentir le machiavélisme de ce personnage, tout son côté qui peut être totalement abominable, hein, parce que c'est un pirate vraiment impitoyable, et à la fois il est quand même aussi relativement attachant. Et je trouve que l'histoire se tient vraiment, vraiment bien. Et c'est tout simplement magnifique. Hein. L'Offray au dessin, il y a des planches qui sont véritablement de toute beauté. Et ça m'a fait la même impression qu'avec le roman de Robert Louis Stevenson. J'ai complètement embarqué sur le bateau dans cette histoire et j'ai été complètement conquis. C'est, à mon sens, une de mes meilleures lectures de cette année, quelque chose de totalement immanquable. J'avais envie d'en faire une vidéo pour essayer de rendre un tout petit peu... voilà, de pouvoir un petit peu plus développer les thèmes qui sont abordés dans cette BD. Mais bon, voilà, il y a eu tout le confinement, tout ça. Je me suis dit que j'allais partager ça avec vous ce soir. Et je me tourne immédiatement vers toi, mon cher Darmouth, parce que je sais que tu l'as lu et que tu en penses aussi beaucoup de bien. Bah, pour moi, t'as déjà tout dit. Eh bien, merci. Super. Non, mais... Je vais pas répéter, moi j'ai adoré, j'aime bien Dorisson, je trouve que c'est super. Par contre, je crois que pour compléter, les 4 tomes simples ne sont plus édités. Ouais, mais tu dois pouvoir les trouver sur le marché de l'occasion ou un truc comme ça. Mais franchement, sur l'occasion, ouais. Mais c'est-à-dire, vous pouvez plus commander chez le libraire, vous êtes obligé de passer par les intégrales maintenant. D'accord. Il y a Gigoz qui a dit sur le chat, le tome 1 est gratuit en numérique en ce moment, il me semble. Tout à fait. Le tome 1 est offert par Dargo, du coup, dans tous les titres qu'ils offrent. Ouais. Et les 4 tomes sont disponibles dans l'offre abonnement de Isneo, pour les gens qui veulent. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, laissez-vous tenter par un beau voyage où vous ne risquez absolument aucun virus. Et là, pour le coup, vous allez vraiment voyager au bout du monde, sincèrement. Sam, je ne sais pas si tu l'as lu. Non, ça fait... tu l'as rajouté sur ma liste, merci. Truc de plus à acheter. Ah ouais, ça, mais c'est totalement, totalement immanquable, vraiment. Moi, tout ce que j'ai retenu, c'est que Lady Viviane a l'air très sympathique, mais... Elle est très ouverte d'esprit. Très, très, très, très ouverte. Voilà. Son mari, nettement moins. Ça tombe bien, moins. Je suis très ouvert, moi aussi, mais... J'ai fortement envie de rencontrer cette charmante dame. Ah, ça reste une belle rencontre. Et le personnage de Long John Silver, vraiment, ils ont réussi à le sublimer totalement. Et c'était pas gagné. Hein. Vraiment, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'était vraiment casse-gueule de reprendre un thème comme ça et un personnage comme celui-là. Eux, ils ont réussi un tour de force absolument incroyable. Si vous êtes d'accord, et en même temps je demande toujours si vous êtes d'accord, mais en même temps vous n'avez pas le choix, donc je vais tout de suite te passer la parole, mon cher Darmouth, et tu vas nous parler de Castlevania. Ouais, je vais parler de la saison 3 de la série animée qui est sortie sur Netflix il y a quelques semaines, que du coup j'ai regardé cette semaine. Du coup, Castlevania, en fait, moi je m'étais pardon. Je m'étais penché parce que j'aimais bien les jeux Castlevania quand j'y jouais quand j'étais jeune. Et parce que la série, en fait, est écrite par Warren Ellis. Ouais. Du coup, ça m'a donné encore plus envie de jeter un œil. Donc, la série se passe, en fait, au niveau de Castlevania 3, il me semble, enfin, celui fin des années 80, début 90. Et ce qui se passe, c'est que Dracula, sa femme, a été condamnée au bûcher pour acte de sorcellerie. Et Dracula, il n'est pas du tout content, il décide de se venger. Et donc, en fait, il veut exterminer toute la race humaine. Et donc, il envoie ses monstres, etc. Et par colère. Et en fait, on suit donc Trevor Belmont, qu'on trouve en fait dans les jeux vidéo. qui est un chasseur de vampires, accompagné d'une magicienne, et en fait, est accompagné du fils de Dracula, qui vont chercher, du coup, à tuer Dracula. Et après, ça, c'est la première saison, et ensuite, du coup, la deuxième et troisième saison, on continue de suivre ces personnages-là. Oui, c'est et voilà. Et... Ouais, c'est assez space, en fait. C'est-à-dire que moi, je suis parce que finalement j'étais attaché aux jeux vidéo, donc je m'y retrouve un peu. La saison 1, j'avais bien aimé. La saison 2, je l'avais trouvé un peu bizarre. Et la saison 3, elle m'a un peu réconcilié parce qu'il y a quand même une problématique derrière qui est pas mal. Mais finalement, c'est que la saison 1 était prévue, en fait, était sortie en 4 épisodes, et la 2 et la 3 sont en 8 et 10. Donc je trouve que ils auraient dû rester en fait avec un nombre d'épisodes limité pour garder le même rythme. Mais j'aime quand même bien l'histoire qui se raconte en fait. Donc du coup, je suis la structure de scénario de Ellis qui fait ça aussi. Parce que je pense que la seconde saison, moi, ça m'a vraiment marqué. Il l'a construite en fait comme un film. Et c'est juste Netflix qui a découpé ça en épisodes. Alors que très sincèrement, regardez-la d'une seule traite parce que sinon vous allez vous faire chier. Moi, je sais, j'ai souffert les 3-4 premiers épisodes et c'est uniquement en fait de l'exploration de personnages et il faut vraiment attendre les deux derniers pour qu'il se passe quelque chose. Et moi, c'est un peu ça, c'est que moi, je me souviens, la saison 1, c'était 4 épisodes, donc je les avais regardés d'un coup, en fait. Mm-hmm. Je les avais regardés d'une traite, c'était 4 fois 25 minutes, donc ça voilà. Fait 1h30, quoi. Donc c'était plutôt bien passé. Et la saison 2, au début, ça m'a fait un peu bizarre parce que je me suis dit, bah, je comprends pas, j'ai l'impression que ça fait pas. Ouais, ça ne donne pas le même rythme. Et alors qu'en fait, moi, j'avais vu les deux ou trois premiers épisodes, genre la veille au soir. J'étais allé au lit, du coup, de fatigue et ça ne m'avait pas gardé réveillé. Par contre, j'avais enchaîné les 5 épisodes d'après. Et c'est, comme tu dis, c'est construit comme un film. Et donc, du coup, c'est juste Netflix qui fait le découpage et c'est ça qui ne va pas. Faut faire abstraction du découpage. Mmh. Et je trouve que même les cuts des fins d'épisodes ne sont pas bons. Enfin. Mais ça, c'est propre aussi à l'écriture de Warren Ellis qui, depuis un certain temps, et ça se voit dans ses comics, grosso modo, se fout un peu de l'écriture en ce qu'on appelle les singles en comics et donc de l'écriture en un épisode pour un animé. Ça ne l'intéresse plus et lui, il fait une seule histoire et le découpage est complètement artificiel. Ouais, c'est complètement ça. Et c'est vrai que maintenant que tu le dis, quand je pense à ses derniers titres... Ces derniers titres parus, même en cours, je pense à Tris qui est en train de sortir ou Cemetery Beach qui s'est terminé il n'y a pas longtemps. C'est vrai que ces cuts, ils sont pas bons. Ils sortent de nulle part, ils coupent rien du tout. Ouais. Quand j'ai lu Wildstorm par exemple, alors on se souviendra de l'épique lecture d'épisode en épisode où grosso modo j'ai souffert pendant, ça a duré 24 épisodes sur un peu plus de 2 ans et demi. Steve aura. Relater, on va dire, l'épique souffrance que ça a été, limite la traversée de l'enfer. Ah bah moi, je peux vous donner la réaction de Sam. C'était c'est pas bien, mais je continue parce que c'est Warren Ellis. Voilà. Et étant un masochiste accompli, j'ai fini par me payer les TPB là, il y a quelques mois. Je me suis dit, ah, mais ça fonctionne en fait en TP. Voilà. Faut juste le lire par tranche de gros 6 épisodes parce que Warren Ellis l'a conçu comme ça. Mais épisode par épisode, c'est. C'est l'équivalent de lire 3 pages d'un livre, en fait. Et te dire, il se passe rien, bah oui, t'as lu 3 pages de mon livre. Pour que ça vienne, pour moi, c'est pareil. Comme t'as dit, il faut les regarder un peu d'une traite. Bon, après, les épisodes, ça va vite. Hein, en fait, ça varie entre 20 et 30 minutes par épisode, donc ça se regarde quand même plutôt facilement. Mais il faut essayer de les regarder un peu d'affilée, ou au pire, couper juste en deux, quoi. Et voilà. Mais après, moi, je suis attaché aux jeux vidéo, donc il y a aussi un côté... Il y a aussi un côté nostalgie personnelle qui joue dedans. Ah, moi, je n'y suis allé que pour Ellis. Donc, Moi, j'y étais allé pour les deux. Et j'ai regardé la première saison que j'avais trouvé sympathique et je n'ai jamais continué. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi. En fait, je me suis dit, ouais, c'était sympa, mais je n'ai pas trouvé ça assez sympa pour que j'y revienne. Ouais. Bah, ce qui est dommage, parce que la saison 1, c'est vraiment que l'introduction. Puis c'est 4 épisodes en plus. Enfin, moi j'avais commencé, j'ai vu que c'était sorti, j'ai lancé, j'avais terminé, je m'étais pas rendu compte que c'était terminé en fait. Donc à la fois, moi j'étais ressorti avec l'idée que je voulais plus, et en même temps, je m'étais dit, mais j'ai rien eu en fait. Enfin, tu m'as juste posé les personnages en fait. Ouais. Donc c'est. Mais moi, du coup, ça m'avait quand même assez mis le sentiment que j'avais rien eu et que je voulais en savoir plus pour me jeter sur la saison 2, etc. quoi. Moi, je me suis jeté du tout. Parce que je ne connaissais même pas l'existence de cette série avant que tu en parles ce soir. Pour moi, Castlevania, c'était vraiment un sombre jeu avec des coups de fouet. Mais alors, je sais même pas si c'était pas sur Amiga 500 à l'époque ou. Oh, Castlevania, vieux. Ah, mais il y en a eu plein des Castlevania. Le plus célèbre, il était sur Mega Drive, il me semble. Je sais plus. Il y en a eu partout, de toute façon. Ouais, ou sur NES, ouais. NES et Super NES, et puis, puis par la suite avec les versions un peu plus RPG que tu avais sur PlayStation et PlayStation 2. Ouais, ça, après, j'y suis pas allé, quoi. Mais, bon, en tout cas, Castlevania, t'en as eu. À te renoncer. Ouais. Ah. Mais Castlevania, t'as eu plus de 20-25 jeux, hein, facile. Mm-hmm. De milieu des années 80, et le dernier, il date d'il y a 4-5 ans. Et ouais. Vraiment, c'est. Ouais, il y en a eu entre 20 et 25, facile, je pense. Et c'est quoi qui t'attire le plus? C'est l'univers ou le fouet? Comment dire? Joker. Dans les premiers, t'as pas toujours le fouet. Hein. T'as une épée aussi, des trucs comme ça. Donc, il y a de tout. Moi, je suis ouvert à tout. Je vois Franck G qui nous disait Castlevania, premier épisode sur NES, les gars. Je me demande s'il n'y a pas eu un premier épisode sur MSX avant. Je sais. Alors, premier épisode, du coup, je viens de me mettre sous les yeux. Le premier épisode, du coup, il est sorti en 86. NES, Amiga, PC, X68000 et Orsay et Commodore 64-128. C'est ça, moi je l'ai eu sur Amiga. Ça sortait encore sur Commodore, sur mon truc. Je l'ai eu sur Amiga. Et le qu'il y a une version MSX, c'est, je confonds peut-être avec un autre jeu, mais. Celui d'après en fait. Le premier, enfin Castlevania, c'était ça, et après t'as eu Vampire Killer qui est sorti sur MSX. D'accord, en fait qui était simplement une redite du premier jeu avec un autre nom. Là, normalement, ouais, c'est le moment de la soirée où, quand on parle de vieux jeux, là, normalement, en rétrophile, normalement, il doit apparaître. Mais bon, peut-être que ce soir, il dort. C'est le week-end, il se repose. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur Castlevania. Faut encore que je mette la saison 3. Mmh. C'est un univers qui mérite d'être découvert, sans déconner. C'est un bon univers, bien sympathique. Ouais, mais j'ai tellement de retard sur plein de trucs si je me lance sur un machin comme ça. Allez, éventuellement en 2025-2026 quand j'aurai rattrapé tout ce que je dois regarder, mais là tout de suite, ouais, je vais faire l'impasse. Entre deux montages, tu te fais une petite séance rétro, tu sors un émulateur NES et puis c'est parti, quoi. Ouais, putain. c'est vrai que j'aimerais bien au moins pas y rejouer, mais revoir la gueule que ça avait sur Amiga 500, parce que je me rappelle d'un truc, enfin moi c'était injouable, hein, quand j'étais gamin, c'était super dur. Mais bon, en même temps, j'ai jamais été un grand gamer. Mais on va passer à ta geekerie, mon cher Sam. Et ça aussi, c'est pareil. Quand on connaît un petit peu vos émissions, vous en avez parlé souvent de The Good Place. Et du coup, j'ai commencé à regarder The Good Place en écoutant vos émissions. Génial, un autre converti. Alors en fait, il y avait une intention cachée en l'inscrivant à l'ordre du jour de l'émission. Parce que, alors The Good Place, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une des meilleures séries comiques de ces dernières années, qui s'est achevée cette année avec sa quatrième saison. J'y étais allé en fait pour une raison évidente, à savoir Kristen Bell, voilà. J'ai pas besoin d'autres raisons pour aller voir quoi que ce soit en fait. Parce que, au-delà en fait, les séries télé ces dernières années, c'est ce qui a pris le plus gros coup dur dans mes geekeries personnelles, parce que les comics, les mangas, les animés et à peu près les livres que je lis, il y a trop de temps, voilà, pour les séries télé. Et malgré mon emploi du temps particulièrement chargé, The Good Place a toujours réussi à trouver sa place de manière assez ironique. Parce que je dirais même la bonne place. Oui, oui, hein, c'est bien, tu as compris le jeu de mots. Parce que c'est une série qui, pour moi, au cours de ces quatre dernières années, ne s'est jamais arrêtée. Ne s'est jamais reposée sur ses lauriers, n'a jamais véritablement... comment dire, ne s'est jamais posée sur un statu quo définitif. Chaque épisode fait évoluer le schmilblick, chaque épisode va dans une direction absolument inattendue. Chaque épisode, tu te dis, c'est pas possible, ils pourront pas se sortir en fait, de l'impasse dans laquelle ils se sont enterrés, ça y est, c'est terminé. Et en fait, si, à chaque fois, ils te disent, mais si, en fait, on est allé dans cette direction parce qu'on sait où on va, en fait. Et sur cette quatrième saison, en fait, là, mon emploi du temps était relativement chargé depuis quelques mois. Donc, en fait, j'étais coincé sur le début de la quatrième, qui voyait, encore une fois, un gros changement de statu quo, comme la série nous y avait habitués depuis le départ. Et je me suis dit, il y a l'émission, je vais me forcer, je vais essayer de me relancer dessus. Et j'ai bien avancé, puisque j'étais coincé à l'épisode 3 depuis 3 mois. Là, j'en suis quasiment à l'épisode 11. Alors, c'est une sitcom, donc c'est en 20 minutes, donc ça va assez vite. Et je me suis replongé dedans avec un plaisir, mais absolu et total. J'ai retrouvé en fait tout le charme. Je me suis dit, il baisse pas sur la quatrième saison, ça me fait plaisir. C'est toujours aussi inspiré. Et J'ai pris un gros plaisir à me remettre, à me mater ça en fait, tout simplement pour la première fois me binge-watcher ça. Donc, si vous n'avez pas encore découvert The Good Place, ben, je vous le conseille véritablement. J'ai hâte d'être à demain matin pour finir la série, puisque c'est il ne reste que 3 épisodes en stock. Et elle me dit c'est sur quelle plateforme? Comment dire? Faut aller voguer sur les grandes eaux. C'est sur Netflix. Voilà. Mais là, je parle de la dernière saison, donc je ne sais pas si elle est sur Netflix. Si, si. Enfin, c'est Netflix légalement, diffuse, légalement, c'est sur Netflix. Cool. Ouais. Mais Netflix, illégalement, en fait, diffuse un épisode par semaine. Ah. Quand, au moment où c'était en train de sortir, vu que la série est terminée, ils étaient dans leur formule un épisode par semaine, comme ils font par exemple pour Better Call Saul ou les trucs comme ça, en fait. Ok. Donc voilà, donc ça fait partie de mes toujours coups de cœur. Je ne sais pas pourquoi je vais la remplacer, du coup, parce que j'ai beaucoup de mal, en fait, à me trouver des séries qui m'attirent en ce moment. Séries télé depuis 2-3 ans. Alors, ce qui est étonnant, puisqu'on parle, en fait, de la période actuelle comme le nouvel âge d'or de la série télé. Et j'ai jamais trouvé aussi peu de trucs qui m'intéressent qu'aujourd'hui. Ouais, moi pour ma part, tu vois, The Good Place, j'ai la première saison, j'ai trouvé ça sympathique. Voilà. Après la deuxième saison, j'avoue que je me suis arrêté à peu près en plein milieu et puis j'ai décroché, on est passé sur autre chose. Et c'est vrai que j'ai du mal à complètement accrocher. J'ai trouvé que ça partait un peu dans tous les sens. En même temps, voilà, c'est vrai qu'on regardait ça avec ma femme entre. En mangeant, enfin tu vois, en n'étant pas forcément super concentré. Ça joue peut-être. Ce qui est dommage parce que pour moi la seconde saison est la meilleure. Alors autant sur Kingdom, tu vois, je suis d'accord avec toi, autant sur The Good Place, nettement moins. Ah là, je suis désolé, Sam. Je vais être d'accord avec toi, Jay, hein, parce que moi c'est pareil. Franchement, la saison 2 a été très très dure pour moi, j'ai réussi à la finir. Ouais. C'est vrai que sur la fin, elle montait un peu en puissance et c'était tant mieux, mais la 2 m'a franchement ennuyé. On a débuté la 3 avec ma copine et en fait on n'a pas continué. Ah, dommage. On la finira, ça c'est clair, mais on n'a pas continué. Et on n'a pas eu envie d'y revenir. Ah, c'est dommage. Bon, ouais. C'est comme ça, ça arrive. Eh bien, on va pouvoir enchaîner et du coup, c'est avec toi, mon cher Steve, et là tu vas faire plaisir à Spider-Man puisque tu vas parler. Oui, de... je suis content. Supernatural. Je suis content de voir qu'il y a un autre adepte. Vous êtes deux en France, voilà, bravo. Mais c'est Sam qui se demandait justement quoi regarder maintenant qu'il a fini The Good Place, ben voilà. Mmh. Voilà. Supernatural. Mais si, c'est très bien Supernatural, n'est-ce pas Spider-Man? C'est génial. Ouais, Supernatural, pourquoi j'avais envie d'en parler? Tout simplement parce qu'on arrive à la fin de la série qui va se terminer un jour. À sa 15e saison. Alors pourquoi je dis un jour? Tout simplement parce qu'on a appris que l'épisode 18 n'était pas encore tourné et suite au confinement, ils sont un peu bloqués. Ils ont promis qu'ils finiraient la série de toute façon. Quoi qu'il arrive, il y aura les deux derniers épisodes de tournée, enfin trois derniers, parce que la série s'arrêtera à l'épisode 20. Mais pour le moment, la série est en pause. Et j'ai un ami qui est extrêmement fan de Supernatural, qui lui continue. Moi, j'avoue que j'avais décroché lors de la saison 10. Ouais, elle était dure, celle-là. Hein, quand même. C'était avec les Léviathans ? Ouais, je crois, ouais. J'ai arrêté quasiment au début de cette saison-là parce que je trouvais que le concept tournait un petit peu en rond. Donc c'était un moment aussi où j'ai pas mal lâché tout ce qui était série en fait. Les séries, j'en regarde plus beaucoup ces derniers temps. Et ouais, donc j'avais lâché à ce moment-là. Et là, j'ai eu envie de m'y remettre, sachant que la série s'arrêtait. Et puis on s'est un peu mis un défi avec mon pote de se refaire un marathon complet de la série pour le final. Donc au lieu de lire Kingdom, je suis blessé. Ben ouais, mais si tu goûtais à Supernatural, tu comprendrais, Sam. Non, rien n'arrive à la cheville de Kingdom. J'ai réentamé là mon marathon de Supernatural. Alors tout doucement, hein, j'ai pas encore beaucoup beaucoup avancé, mais j'ai réentamé. Je suis en plein milieu de la saison 1 et ça me fait extrêmement plaisir de les revoir parce que je les avais pas revus depuis. En fait, j'ai vu tous les épisodes qu'une seule fois, donc j'ai pas vraiment revu les épisodes. Donc ça me fait bien plaisir de redécouvrir tout ça. Alors le principe de la série, c'est deux frères qui sont des chasseurs de démons, on va dire ça comme ça, des chasseurs de créatures étranges, de mystiques, qui ont tendance à gentiment pourrir les humains, hein, voilà. Et c'est des chasseurs, et ils vont défendre la veuve et l'orphelin à chaque fois qu'il y a un cas un peu bizarre. Au tout début, pour retrouver leur père, qui avait disparu, qui était chasseur lui aussi. Et puis peu à peu, bah, parce qu'ils ont plus que ça à foutre, hein, les mecs, ils ont rien d'autre dans leur vie, donc bah, ils chassent des trucs à tuer. Et c'est extrêmement drôle. Tout en étant sérieux, il y a beaucoup de moments très drôles. Les deux personnages sont hyper attachants, les deux personnages principaux, puisqu'on a Jensen Ackles qui joue et Jared Padalecki. J'avais découvert Jensen Ackles, moi, à l'époque, dans Dark Angel. Ça remonte à très très loin. Ça, c'est de vieux souvenirs. Et Jared Padalecki, je l'avais découvert dans Gilmore Girls. Donc, autre bon souvenir. C'est vrai que quand j'ai vu ce duo-là, je me suis dit, ah, je les avais vus ailleurs, ça va être bizarre. Et en fait, ils sont super attachants, ils sont bien campés dans leur rôle. Et peu à peu, la série va s'étoffer au niveau du casting, va avoir sa propre mythologie. Et c'est ça qui est vachement bien, c'est qu'il y a vraiment tout un univers qui se crée. Au début, c'est petit cas de la semaine, c'est vraiment le monstre de la semaine, un épisode, un monstre, et puis on a un vague fil rouge, mais c'est assez épars. Puis peu à peu, t'as toute cette mythologie qui se construit, t'as des personnages qui reviennent, t'as des cas qui reviennent, et plus ça avance, plus c'est sympathique. C'est vrai que ce qui m'avait fait décrocher, alors je sais pas ce que t'en as pensé, Spider-Man, mais au bout d'un moment, quand je disais que ça tournait un petit peu en rond, c'est que, bon, ils se battent contre l'enfer, hein, principalement. Puis après, il y a les anges qui s'en mêlent. Ce qui est très intéressant, le personnage de Castiel est génial. J'adore le personnage de cet ange déchu. Mais le fait qu'à chaque fin de saison, t'en as un des deux qui meurt, et qui va en enfer, et puis qui revient, et qui est changé. Et puis la saison d'après, c'est l'autre qui meurt, qui revient, qui est changé. Bah, c'est comme dans les comics. Ça commençait à me gonfler, en fait. On est comme à la maison. Ça meurt, ça revient. C'est ça. Mais c'est que ça commençait un peu à me... Je trouvais ça un peu répétitif, quoi. Donc c'est aussi pour ça que j'avais décroché à une époque. Mais on m'a dit que, notamment sur les saisons 12-13, c'est vraiment bien reparti. C'est ça. En fait, moi, c'était aussi vraiment à la saison 10 avec les Léviathans. C'est là que j'ai vraiment dû m'accrocher parce que c'était hyper lent. Il ne se passait pas grand-chose. Et là, je me suis dit, là, il continue pour continuer, en fait. Et donc j'ai vraiment dû m'accrocher, et après ça va, après ça reprend vraiment bien, et là jusqu'à la saison 15 c'est génial, quoi. Et c'est prolongé encore ou Non, la saison 15 et du coup la série a battu le record pour une série de science-fiction fantasy de nombre de saisons. C'était détenu avant par Smallville. Avec 10 saisons ou 11 saisons, et du coup voilà, 15 saisons, ils ont tout pété. À la base, ça devait se finir à la saison 5 à l'époque. D'accord. Mais c'est vrai que c'est absolument génial parce que c'est vraiment, bah, comme dit Steve, c'est vraiment au début c'est un monstre, un épisode, et c'est très cool, c'est très cool. Et ça, en fait, c'est un peu la trame principale de toutes les saisons, en fait, parce que y a beau avoir après un fil rouge, des intrigues importantes, il y aura toujours dans une saison de 20-22 épisodes, il y aura toujours 10 bons épisodes ou même un peu plus où il y a un monstre à traiter à part de la trame principale, en fait. Et quand on voit comme ça commence, le premier épisode, c'est genre le monstre, c'est la Dame Blanche. Et quand on voit après, en fait, où tout ça, ça va les mener, les dimensions que ça va prendre, comme Steve disait, avec l'enfer, le paradis, les anges, les démons, on aura même les quatre cavaliers d'Apocalypse, revisiter. En fait, c'est ça qui est absolument génial avec Supernatural, c'est qu'ils revisitent, je crois que là, on arrive donc à la saison 15, ils ont tout fait, je pense. Que ce soit mythologie grecque, on a vu des dieux, enfin c'est vraiment, ils ont, au niveau des monstres, et ce qui est cool aussi, c'est que même eux, des fois, ils ont du mal à croire sur ce sur quoi ils tombent, en fait. Parce qu'il y a un moment, un épisode où il y a des vampires, où leur père leur dit qu'il y a des vampires, et celui, donc Dean, l'un des deux personnages principaux, même lui, en fait, il a du mal à y croire, parce que bah, les vampires, ça n'existe pas, quoi. Alors que les mecs chassent des démons et chassent des monstres. Mais les vampires, bah, on entend tellement toujours parler que pour lui, c'était improbable. Et en fait, c'est toujours un peu comme ça, et c'est ça qui est vraiment cool, en fait. Et on a vraiment des épisodes... Enfin, moi, je sais qu'à chaque fois, ils se réinventent, c'est complètement fou. Je sais qu'on a un épisode de la dernière saison, c'est un épisode avec Scooby-Doo. En fait, c'est un épisode dessin animé, On avait un épisode, ah oui, c'était un épisode... C'est la marque de fabrique de la série, ah oui, non, mais ça. Totalement. Chaque saison, t'as un épisode qui est totalement what the fuck. Et il y a Mister No qui... C'est du génie. Qui demande s'il n'y a pas eu un crossover avec une série CW DC. Non. Et ben voilà. Non, non. Ils ont tenté de faire un backdoor pilot pour une série... Et c'est à peu près... Ça devait être saison 9. Où oui. Ils devaient faire une espèce de série où on suivait d'autres chasseurs. Et ça n'a pas du tout marché. La série a été annulée, quoi. Bah déjà que Supernatural, c'est pas très connu, mais ça a son public fidèle. Donc c'est pour ça en fait que ça a bien marché toutes ces années. C'est que le public des premières heures, je sais que moi j'ai commencé il y a environ 15 ans, hein, donc à la saison 1. Hein, donc là, ça fait 15 ans que je suis religieusement épisode par épisode. Et c'est un peu le cas pour tous les fans. J'ai l'impression que tout le monde est resté plus ou moins fidèle. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi à continuer en fait. C'est ça qui est génial. Et vous pensez que c'est... Vas-y. Pardon. Non, je t'en prie, vas-y. Non, vas-y, prends la question. Je voyais Gigos qui disait, et puis il y a Félicia D dedans. Et oui, il y a Félicia D, donc déjà, ceci n'est pas une bonne raison d'aller regarder. Et la patte de lapin. Il y a plein de guest stars hein, dans Supernatural. C'est quoi cette histoire de patte de lapin? Patte de lapin, c'était un épisode où il tombe sur un artefact, c'est une patte de lapin qui porte chance, en fait. Ce qui est bien pour une patte de lapin. Mais une chance indécente, c'est... Clairement, il y a un mec qui lui pointe un flingue dessus, il balance son stylo, le stylo bouffe le canon du flingue. Enfin, c'est... Mais à chaque fois, ils arrivent à faire des épisodes. Il y a un épisode, c'est une redite de Un jour sans fin. En fait, Dean meurt de toutes les façons possibles et inimaginables. Il y a un autre épisode, ils sont coincés dans une sitcom. Ah, mais cet épisode-là, quand il passe dans toutes les séries télé, il est génial. Il est absolument génial, cet épisode. C'est vraiment des bijoux d'écriture. Ils ont même fait des moments où c'est tourné en noir et blanc façon série ou film des années 50, quoi. C'est ça. Il y a même un épisode où ils arrivent dans notre monde à nous et où Supernatural, c'est une série. D'accord. Ouais, avec le prophète qui écrit les romans, qui sont les romans que toi, dans notre vrai monde à nous, tu peux aller acheter en magasin. C'est ça, voilà. Et c'est du génie, c'est vraiment du... Il y a des concepts qui sont vraiment excellents, quoi. Et vous pensez qu'on peut, même si on n'a jamais suivi et qu'il y a quand même 15 saisons à rattraper, rentrer assez facilement dans cette série à l'heure actuelle? Ouais, tu peux. Franchement, c'est l'avantage de ce formula show, en fait, où tu as un épisode, un monstre. Même si il va y avoir une notion de fil rouge et il va y avoir quelques éléments qui vont t'échapper, tu peux regarder un épisode, voir ce que ça donne et voir si t'accroches. T'en prends un au pif. Alors bon, t'auras peut-être la chance la malchance en tout cas de tomber sur un épisode mauvais, parce qu'il y en a aussi des épisodes qui sont mauvais, on va pas se le cacher. C'est obligé sur 15 saisons. Mais ouais, tu prends un peu un épisode au pif, tu vois le style, tu vois si ça t'intéresse ou pas, et là, tu vois si t'as envie d'aller un peu plus loin dans l'univers, quoi. Mais là aussi où c'est malin, c'est que quand on se renseigne un petit peu quand même sur tout ce qui est esprit et compagnie, c'est qu'en fait, c'est tiré entre guillemets pas de faits réels, mais ça respecte vraiment les mythologies et les croyances, mais vraiment des trucs recherchés, hein, quand même, genre les esprits avec le sel, avec le fer, mais des trucs même plus poussés et plus creusés, quoi. C'est vraiment tu sens que ceux qui font ça, ils font ça avec amour. Ils ont utilisé les mythes, ils ont utilisé les légendes urbaines, ils ont utilisé vraiment tout, quoi. C'est ça. Eh bien, merci. Et c'est disponible sur Netflix ou un truc comme ça, ou pas du tout? C'est disponible sur Prime. Prime, ok. C'est disponible sur Amazon Prime, ce n'est plus sur Netflix depuis maintenant, depuis quelques mois. Ça a été maintenant racheté par Prime au niveau de la diffusion sur les services streaming. La diffusion, c'est très chaotique, et les coffrets DVD, je crois qu'on a les coffrets allemands en France. En fait, il y a la langue française, mais les coffrets, je crois qu'ils viennent d'Allemagne. On n'a pas de... En fait, la France ne produit pas les coffrets Supernatural. Ah bah évidemment, vous êtes trop aimés, les gars, à un moment donné. Et alors, à noter, pour ceux qui s'y risqueraient, sur les premières saisons, il y a eu des problèmes de droit, parce qu'à l'époque, c'était produit par la WB, avant que ça devienne la CW, la chaîne télé sur laquelle c'est diffusé. Et il y a des problèmes de droit sur les musiques. Ce qui fait que, j'ai pu en faire l'expérience, si vous regardez la saison 1 sur Prime, regardez-la en VOST, et puis quand vous voyez de la musique... Amusez-vous à changer en VF, voir si c'est la même musique. D'accord. Parce qu'il y a des moments, tu as des morceaux de Black Sabbath qui sont remplacés par des morceaux d'autre chose. Mm-hmm. Parce qu'ils n'ont plus les droits. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'ACDC, Scorpion, musicales. Ouais. Au début. Eh bien, merci. Spider-Man, j'étais vraiment senti excité hein, sur Supernatural. Ah, t'imagines. Ah, bah, ah, je suis content qu'il y ait quelqu'un d'autre qui partage. C'est dans mon top 5 des séries. Ça. C'est ça aussi la rubrique geek, tu vois, on permet aux fans de se rencontrer, on fait des ponts, c'est beau. On est un peu le mythique du geek, tu vois. Voilà, il y a une belle histoire là qui est en train de commencer entre vous. Et je vais te laisser la parole, du coup, mon cher Spider-Man. J'avais oublié cette geekerie, c'est pour ça que je l'ai vite rajouté sur OBS. Et tu vas nous parler des chroniques de l'ère. Xenozoïc, ça a été édité en 2013 chez Akileos. C'est scénarisé et dessiné par Mark Schultz. En fait, ça se passe au 26e siècle. En gros, la Terre a été. En fait, il y a eu un cataclysme. Les hommes. Et visiblement, le cataclysme, d'après le résumé, j'adore. C'était je vois l'image, en 2020. Donc, voilà. D'accord. Et donc en fait les hommes donc s'étaient terrés pendant des centaines d'années sous terre et ressortent et du coup ben, la faune et la flore a complètement changé. Les villes sont un peu immergées, il y a de la flotte partout, ça ressemble plus un peu à des îlots de civilisation, il y a plus des tribus qui essayent de cohabiter ensemble. Et dans tout ce joyeux monde, il y a Jack Terence, qui est une sorte de scientifique chaman, mécano, écolo, bref, le mec qui touche un peu à tout, et qui va rencontrer Anna, donc une scientifique d'une autre tribu, qui va essayer donc de lier leurs deux tribus, et ensemble ils vont découvrir et nous faire découvrir ce monde, et essayer de lier leurs deux tribus entre elles. Et en gros, voilà, c'est un hommage au EC Comics des années 50. Moi j'adore ces récits parce que je trouve que déjà d'une part c'est hyper bien dessiné, tout ce qui était récits EC Comics, les Weird Science, Weird Fantasy, etc., c'est vraiment magnifique. C'est quand on voit les planches, c'est du noir et blanc, mais le mec rien qu'avec les dégradés qu'il arrive à faire, le niveau de détail, les visages, ben, je trouve que c'est hyper propre. Donc dedans on va surtout retrouver un gros propos écologique. Le récit date de 86, donc la question commençait un peu à se poser tout doucement. L'univers est hyper riche, on se retrouve vraiment avec des dinosaures, des insectes qui ont muté différemment. On va un peu apprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé en fait à l'époque quand ça a merdé et que c'est devenu c'est ce que c'est devenu. Donc voilà, il y a plein de petites histoires. En fait, chaque chapitre est très court, hein, c'est quelques pages. Ça va directement à l'essentiel, c'est rapide, il y a beaucoup d'action. Et la relation entre Jack et Anna est belle et intéressante. Mais après, c'est vrai que voilà, c'est la fille scientifique, un peu butée. Lui, c'est le mec macho. Tu sens une tension sexuelle entre eux, un truc de fou. Mais non, on peut pas. Enfin voilà, ça reprend vraiment tout un peu les codes des pulps des années 50 quoi. Et il est encore trouvable parce que je me suis renseigné, il était à 30€, il est encore trouvable à 35€ d'occasion, donc voilà, c'est pas délirant, mais sinon en neuf il est épuisé. Mais parce que là, ouais. Là ça m'intéressait beaucoup parce que alors la petite anecdote sortie du fin fond des âges comme l'ère xénozoïque, moi j'ai connu ça quand j'étais très très jeune, parce qu'il y avait un dessin animé qui passait, qui s'appelait Cadillac et Dinosaure. Ah oui, ouais. Je connais. Et c'est ça en fait. Mmh. Xenozoic Tales, c'est ça. Et moi j'avais connu ça par un jeu vidéo d'arcade avec lequel je jouais avec mon frère. C'était complètement con, mais c'était très bien. Et je jouais à ce jeu avec mon frère quand on allait dans les foires, trucs comme ça. Et c'est comme ça que j'avais rencontré cet univers, et cet univers est complètement fou. Donc, savoir qu'Akileos a sorti ça, je ne savais pas du tout. Et là, du coup, je suis extrêmement intéressé. Ouais, et du coup, voilà, c'est. Comme je dis, j'ai regardé en occasion, voilà, j'ai vu sur la Fnac qu'il y a 35€ d'occasion. Donc, les prix ne sont pas encore délirants. Ça va, pour un truc qui est épuisé. Mais ça vaut vraiment le coup, et ne serait-ce que pour le dessin qui est absolument magnifique. Quoi. On nous demande sur la chat si c'est américain, français, ça vient américain. D'où ça américain. C'est américain, ouais. Ça m'étonne pas, dès que la planète part en couille, de toute façon, c'est les Américains qui sont derrière, ça. Bon, en ce moment, c'est plus les Chinois, mais c'est autre chose. C'est plus les Chinois, ouais. Bref. Oui, mais les conspirationnistes diront que c'est sur des capitaux américains, donc oui, on pourra toujours leur rejeter la faute. Enfin, de toute façon, pourra toujours leur rejeter la faute, de toute façon. D'une manière ou d'une autre, c'est à peu près certain. Je sais pas si Dramout, tu connais Sam. Non, pas du tout. Je découvre. Alors, je connais Mark Schultz puisqu'il avait écrit du Superman à la fin des années 90, début des années 2000. Ouais. Mais je l'avais jamais vu sur autre chose. Et ben voilà. Si ça vous tente, vous savez vers qui il faudra vous tourner. Merci Spider-Man pour ce bon conseil. Mais je t'en prie. Merci pour la découverte. Merci. Et il ne sera pas dit que ce soir, nous n'aurons pas parlé au moins un petit peu d'un comics Marvel. Putain, les mecs, faut pas déconner, on a une réputation à tenir à un moment donné. Attends, bon. Ouais, c'est vrai, hein, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est? Eh oui, bon, et en plus, on va dire du bien de Panini. Ouais. Ce qui est tout aussi rare. Non, salaud, c'est méchant. Non, moi, je crois. Voulais... Ouais, cette mission n'est pas enregistrée, les bandes s'autodétruiront dans quelques minutes. Non, moi je voulais vous parler, alors j'ai lu simplement, ouais, grosse fin de soirée, hein. On peut se le dire, ça commence à bégayer. J'ai lu le tome 1 des Avengers de Busiek et Georges Pérez. Voilà, il y a deux tomes qui sont disponibles dans la collection Marvel Icons du côté, donc évidemment, de chez Panini. Si ça vous intéresse toujours les Icons, j'aurais quand même tendance à vous dire de vite vous les procurer. Maniez-vous. Parce que ouais. Ça sent pas bon. Stock très vite. Ouais. Donc c'est pour ça que là, j'ai fait un très très bel investissement avant l'épidémie de Corona. Je me suis pris les trois Daredevil de Miller et les deux Punisher de Dillon et j'ai mangé son nom. Garcenis, voilà. Donc je suis parti avec. La période avec, Marvel Knight ou Punisher Max. Si c'était Steve Dillon, ça doit être. J'ai les deux, de toute façon. Enfin, j'ai Aaron et Dillon et j'ai les deux premiers. Enfin voilà, tout ce qui était Punisher Marvel Icon, j'ai tout pris. Comme ça, au moins, je suis parti avec deux paquets et un portefeuille nettement plus léger. Mais bon. Je vois Greg qui dit les Avengers de Buzzek, jamais lu et c'est dans ma palle depuis très longtemps. Tu m'étonnes, c'est sorti il y a 22 ans. Ouais. Donc oui, ah bah pour, légèrement vieux. Pour resituer un peu l'histoire, c'est après Onslaught, Heroes Reborn, ceux qui ont un petit peu plus l'habitude de suivre nos podcasts. J'avais parlé du Thor de la même époque avec Romita Junior. Jürgens et Romita Junior au dessin. Et donc, j'ai envie de dire tout à fait naturellement, j'avais envie de me lancer un petit peu là-dedans, notamment à cause du dessinateur, ou plutôt grâce au dessinateur qui est Georges Pérez. Le pitch, on peut se le faire en cours, hein, c'est du comics qui est quand même assez classique, mais qui est plutôt sympathique. Après les événements d'Onslaught, Heroes Reborn, tout ça, les Avengers n'existaient plus. Évidemment, ils se reforment pour affronter une nouvelle menace, donc il va y avoir la construction d'une nouvelle équipe et la promesse d'aventure absolument épique. Je crois que le premier ennemi, si je dis pas de bêtises, c'est la fée Morgane. C'est ça, les trois premiers épisodes. Ouais, voilà. Et c'est plutôt, franchement, en termes d'histoire, moi j'ai passé vraiment un bon moment. Je trouve que Busiek, il arrive à bien à la fois mener de front les problématiques de groupe et à la fois les problématiques individuelles. Avec Œil de Faucon, tout ça. Enfin voilà, chaque personnage a vraiment sa petite problématique et en même temps, le groupe collectivement va devoir affronter des menaces. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant et surtout, c'est absolument à lire, à posséder, à ce que vous voulez. Mais pour le travail de Georges Pérez, je suis un amoureux de Georges Pérez. Je suis un inconditionnel et là je dois avouer que j'ai encore été mais complètement subjugué par son travail. Ce mec, c'est vraiment un artisan passionné du comics. T'as l'impression que Busiek, il lui offre des scénarios avec t'aimes bien dessiner plein de bonhommes, tiens, mange, il y a 40 vengeurs dans le manoir, il va te dessiner les 40 vengeurs, et la sorcière rouge qui est au fond, il va dessiner chacune de ses petites bouclettes. Le mec, il se fait plaisir. Il y a des planches, notamment des dessins de Vision, quand son corps est reconstruit, tout ça, etc., sans trop rentrer dans les détails, mais qui sont tout simplement fabuleux. Le travail de Georges Pérez, je le trouve absolument remarquable. J'ai pas encore entamé le tome 2, et c'est là aussi la promesse. C'est dans le tome 2 que ça devient vraiment intéressant. Ouais, parce que la promesse, quand tu vois la couverture avec Ultron, tu te dis ça risque quand même de bien péter. Et globalement, j'ai passé vraiment un bon moment. En termes d'histoire, c'est pas non plus le truc le plus ouf que j'ai pu lire, loin de là. Mais moi, j'ai trouvé que ça se tenait bien, tu vois. Ça va, ça passe bien. J'ai toujours eu du mal avec ce run, personnellement. Ah ouais? C'est. Je pense que parce que la référence pour moi reste la JLA de Morrison. On n'a jamais fait au-dessus et meilleur et. Ça reste la meilleure série d'équipe que j'ai jamais lue. Et les Avengers de Busiek, il part du principe de faire du old school pour du old school pour moi. Ça se voit en fait que c'est un amoureux de l'équipe traditionnelle et historique et d'une ère en particulier des Avengers qui est les années 60-70. Ouais. Pour lui, il est resté coincé à ce niveau-là. Et je sais que moi, quand je le lisais à l'époque, j'avais vraiment du mal. Hein. Vraiment. C'est surtout les pages recap qui te faisaient au début de chaque épisode. Tu avais sur les 22 pages, on avait moins 2 ou 3 qui étaient. Alors voilà ce qui s'est passé dans telle histoire. Et maintenant, je vais vous la refaire. Ouais, ok. C'est vrai que si on m'avait dit que c'était sorti dans les années 80, j'aurais bien voulu le croire bien volontiers, sincèrement. Voilà. Et là, tu te dis, c'est sorti fin des années 90. Mmh. Mais c'est ça, c'est un total décalage vis-à-vis de la production à ce moment-là, en fait, du reste de la production actuelle de l'univers Marvel. Post-Onslaught, où on avait un Iron Man qui changeait d'armure, on avait des Fantastic Four qui revenaient. Enfin, et là, on avait vraiment une écriture très old school, vraiment à contresens de ce qu'était le retour des héros, finalement. Oui, pour le coup, ça complètement, quand tu voyais ce qui se faisait à l'époque Heroes Reborn, et là, on est retombé dans du classicisme pur et dur. Ah oui, forcé. Je crois que vraiment, t'avais des épisodes qui étaient vraiment durs. Enfin, à un moment, ils te ramènent le Squadron Suprême, là. Ouais. Je crois que c'est l'épisode 5 et 6. C'est fondamentalement une histoire qui apporte rien, en fait. C'est juste qu'ils voulaient s'amuser à mettre en scène l'équipe. Mais je crois qu'il y a un commentaire de Cap à la fin de l'épisode qui dit « Ouais, vous nous avez mis dans la merde parce que pour la cinquième ou sixième fois, vous avez été à nouveau possédé ou manipulé. » Ouais. Merci. Enfin, voilà, tu nous as fait la même histoire qu'avant. Et c'est vraiment, j'ai eu, durant quasiment tout le run, jusqu'à là, en fait, jusqu'à ce que Perez parte, qu'il part dans une nouvelle direction avec les nouveaux auteurs, j'ai vraiment eu permanent ce même sentiment de Busiek nous fait les greatest hits des Avengers. Voilà. Voilà les histoires que j'ai aimées, je vais vous les refaire. Ouais. Pour moi, ça n'a aucune valeur ajoutée. Autant les lire les histoires originales à ce moment-là. Pour le coup, moi j'ai trouvé que c'était quand même bien. Je te dis, sans être forcément le truc ultra ultra marquant, ça reste sympathique. Et c'est vrai que si pour le coup on a envie de lire un peu des Avengers, on va dire vraiment classique, c'est un truc qui peut être très parfait. Bien. Pour moi, ce qui est à véritable mi-chemin, et ce qui sortait à l'époque, et ce qui est à mi-chemin entre le classicisme de ces Avengers de musique et la production moderne, enfin on va dire de la même époque du reste de l'univers Marvel, c'est Thor, qui est vraiment à mi-chemin. Il y a quand même cette d'une l'esthétique et aussi l'approche un peu 80s, toute la série en fait par Dan Jurgens, mais qui est un peu plus moderne que l'approche de Busiek. Mais ce qui me fait marrer, c'est que alors, je voyais Greg qui disait pour lui la meilleure équipe de super-héros, le meilleur run, c'est la JSA. Alors on a fait un spécial là-dessus il n'y a pas longtemps, qui part en fait du même principe que Busiek, c'est-à-dire que c'est très old school en fait sur le principe. Sauf que dans la JSA de Goyer et Jones, t'as cette espèce de souffle épique durant tout en fait, tout le run. C'est 10 ans de. On va faire de plus en plus gros, de plus en plus grand, on va faire ramener les ennemis les plus puissants possibles, et ça va être menace de fin du monde sur menace de fin du monde à chaque fois, tout en ayant des arcs personnels très, très poussés sur chaque personnage. Et autant ce run-là, pour moi, fonctionne quasiment de bout en bout, autant celui de Busiek, je crois que le principal problème, c'est que Busiek n'a pas réussi à s'extraire de son amour personnel et de son amour de fan, en fait. Il écrit véritablement les Avengers comme un fan et pas comme un auteur avec le recul. Alors que Jones, il a cet amour absolument inconditionnel pour l'univers DC et pour l'histoire de DC. En même temps, je pense qu'il a le recul dessus et de savoir en fait pourquoi ces personnages fonctionnent. pourquoi ces histoires fonctionnent et pourquoi il faut aller dans le grand, dans le, de, dans le grand épique, dans le grandiloquent absolu pour que ça fonctionne. Alors que là, les Avengers de Busiek, ouais, c'est l'échelle est en fait trop réduite pour que ça fonctionne pour ce qui est censé être la plus grande équipe de super-héros de l'univers Marvel. Les histoires sont à très petite échelle en fait. Moi, je trouve que Geoff Johns est overhypé quand même. Oh là là là là là. Ah, j'aime bien lancer des petits trolls comme ça, des petites piques là. Ouh, j'adore. Je sais que ça fait réagir. Je prends mon plaisir comme ça. C'est normal. Ça fait plaisir. Voilà. Je sais pas si vous voulez rajouter autre chose, Dramout, sur Spider-Man, sur les Avengers de Busiek. Non, pas encore lu. Eh bien, voilà. Eh ben, Tout comme toi, j'encourage tellement, au moins jeter un œil sur ce que produit Georges Pérez, quoi. Ah oui. Capable de te caser 40 personnages dans une case de 2 cm sur 3, quoi. Ouais, mm-hmm. Et que tu peux tous reconnaître, en plus. C'est ça qui est ça, fort. Ouais. Il est en très grande forme, là, encore. Franchement, Et c'est pour ça que je dis que c'est vraiment... pour moi, c'est un artisan, quoi, des comics. C'est que t'as l'impression que le mec... mais plus il y en a, plus il y en a à dessiner, plus il est content, quoi. T'as l'impression qu'il aime vraiment rentrer dans le détail de tout ce qu'il fait. Enfin, de toute façon, on sait que c'est vraiment son kiff, mais je vois pas d'équivalent dans le temps, dans le milieu du comics, à ce qu'a pu faire Georges Pérez. Je vois pas. C'est pour moi, enfin, il est juste incroyable et il reste indémodable. Ben bon. Voilà, et bon, on va pouvoir passer à ta prochaine et ta dernière geekerie, mon cher Sam. Et tu vas nous parler, évidemment, d'un roman, puisque tu es quand même l'homme qui réussit à lire 800 pages en 24 heures. Non. Quoique, attends, si. Ah. Je crois que j'y suis arrivé une fois. C'était il y a longtemps, hein, j'avais le temps à l'époque. Et donc, tu vas nous parler de quoi ? Donc, oui, je vais parler du livre que je suis en train de lire en ce moment, qui est le deuxième tome de la quadrilogie, je crois qu'on dit, Passe-miroir de Estelle Dabos, que j'ai commencé il y a quelques semaines. Alors j'ai fait d'autres livres entre temps, mais là j'ai commencé vraiment le tome 2, je dois être à la moitié, et ça reste toujours aussi bon. Alors pour resituer un peu l'histoire Passe-miroir, on suit le destin en fait d'Ophélie, jeune fille qui vit dans une arche, voilà, puisque dans ce monde en fait, la Terre s'est quelque part disloquée. Et en fait, l'humanité survit dans des espèces d'îles flottantes où le pouvoir est détenu par ce qui s'appelle les esprits de famille, qui sont espèces des êtres humains qui sont quasiment devenus immortels et qui ont passé à leur descendance un certain nombre de pouvoirs très particuliers. Et Ophélie, elle, a deux pouvoirs. En fait, le premier, c'est une liseuse, c'est-à-dire elle peut en fait, en touchant un objet, en connaître l'ensemble de l'histoire et en fait les pensées de tous ceux qui ont touché l'objet avant elle. Donc elle peut remonter des siècles en arrière dessus. Et son second pouvoir, c'est que, comme l'indique le titre, c'est une passe miroir, c'est-à-dire qu'elle peut se déplacer en traversant des miroirs et atteindre d'autres lieux à lointaine distance. Et en fait le roman débute dans le tome 1 quand Ophélie est quasiment mariée de force, ou fiancée de force, à un homme qui vient d'une arche extrêmement lointaine, située au Grand Nord, le Grand Pôle, sur lequel il y a très peu d'informations qui circulent, mais grosso modo, on a un peu l'impression qu'ils sont perçus comme des sauvages par rapport à l'arche dans laquelle vit Ophélie. Alors elle le vit très mal, sauf qu'elle n'a pas trop le choix, parce qu'on lui dit soit tu acceptes ce mariage, soit grosso modo on t'exile. Donc tu dégages de l'arche. Et dans ce monde, être hors arche, c'est pire que la mort, en fait. Puisque la vie sur la Terre, telle qu'on la connaissait, est invivable. Donc, dans le tome 1, en fait, on avait véritablement la découverte de cette arche qui est dans le Grand Nord. Arche bourrée d'illusions, où elle-même, en fait, va se cacher pendant un certain temps sous un déguisement. Et elle va vivre et découvrir cette arche sous cet attrait, et elle va aussi découvrir certains aspects de son fiancé qui est son exact opposé en tout. C'est-à-dire qu'elle est petite, myope et maladroite comme pas permis, et lui est une espèce de grand baraquet de 3 mètres qui parle uniquement quand on lit force, doté d'une mémoire phénoménale, et qui, on le comprend en fait au fur et à mesure que le tome avance, est quasiment celui sur qui la responsabilité de faire tourner l'arche repose. Il est le chef de l'intendance sur qui tous les problèmes possibles et imaginables passent, en fait. Voilà. tous les problèmes arrivent sur son bureau à un moment ou à un autre, c'est à lui de les résoudre d'une manière ou d'une autre. Et en fait, le tome 2, sur lequel je suis, change la perspective, puisque comme je le dis dans le premier tome, elle était un peu cachée, elle découvrait ça par le trou de la serrure. Là, elle est projetée en avant, où elle doit être confrontée directement à l'esprit de la famille qui dirige cette arche, qui est, je ne vais pas dire cinglée, mais qui, on va dire, a quelques problèmes mentaux, ce qui est légèrement problématique pour elle. Elle doit faire face à des menaces de mort en plus, puisqu'il y a toute une mythologie qui se met en place autour. Et elle doit en plus gérer cette relation quasi naissante avec ce fiancé qu'elle n'arrive pas vraiment à comprendre. Et on la comprend bien, puisque le mec est un peu insaisissable, extrêmement froid a priori, très, très renfermé. Alors on comprend par des petites informations qui nous ont décelé que le mec a eu une vie absolument ignoble jusque-là. Donc ça explique cette espèce de carapace qu'il s'est mise. Mais elle-même, en fait, se dit « Ouais, j'ai pas envie de construire une quelconque vie avec lui, en fait. » Elle lui dit carrément en face « Je ne vous aime pas, je ne vous aime jamais, il ne se passera jamais rien entre nous. Donc si vous voulez une descendance, pas par chez moi que ça passera. Hein, » voilà. Sauf que, au fur et à mesure que le tome avance, les choses se compliquent petit à petit. Et c'est vraiment un tome où les personnages, je trouve, se dévoilent beaucoup plus que dans le tome 1. On a une plus grande complexité, une plus grande profondeur pour chacun d'entre eux. On apprécie beaucoup plus les liens entre les personnages. Certains qui étaient assez insupportables dans le tome 1, on a fini par s'y attacher dans le tome 2, et on leur trouve des attraits, des qualités, et c'est vraiment très intéressant. Et comme je le dis, c'est vraiment un tome où la mythologie générale et l'histoire générale se développent, puisque Estelle Dabos pose des graines d'intrigue sur l'histoire de ce monde autour, et le mystère qui est sur cet éclatement qui a détruit le monde et sur les esprits de famille. Puisqu'on se dit, mais pourquoi sont-ils immortels? Pourquoi ont-ils des pouvoirs? Et l'un des problèmes qu'ont tous ces esprits de famille, c'est que comme ils vivent depuis des milliers d'années, leur mémoire est un trou géant, un trou noir géant, où voilà, ils ont des gens qui sont liés à eux par le sang, sauf que la plupart du temps, comme ils ne s'en souviennent pas, en fait. Ils ne se souviennent pas d'eux, ils ne se souviennent pas des gens, et ils ont une conscience très dilatée en fait de la réalité qui les entoure. Donc c'est vraiment très très bien écrit. On a une écriture qui est extrêmement efficace. Je vais pas dire simple, mais elle va à l'essentiel en fait. Donc ça se lit vraiment très bien. En plus le rythme qui est quelque chose, un détail sur lequel j'attache toujours beaucoup d'importance, est-ce qu'un livre avance bien en fait, et le rythme je trouve qu'elle le maîtrise très bien. Dramout, tu es ici notre caution intellectuelle, le seul en capacité de peut-être pouvoir répondre à Sam sur le point des romans et ce genre de choses. As-tu lu Les Disparus du Clair de Lune? Non. T'es une merde. On peut pas raconter sur toi. tellement d'amour dans cette émission. Ah, ça me rappelle la nôtre. On m'a pas prévenu non plus, moi j'étais pas au courant. Moi tu m'as demandé de regarder genre les Teletubbies, les trucs comme ça, j'ai regardé les Teletubbies quoi. Ah bah ouais, tu m'as dit c'était pas écrit ça. Bah ouais, mais tu m'as demandé de checker les domaines sur lesquels on pouvait les avoir parce qu'ils étaient pointilleux. Donc moi je me suis dit, ils connaissent pas l'intégrale des Teletubbies. C'est vrai. Moi je suis chaud moi. Je suis sûr qu'on aurait pu vous niquer sur les Teletubbies. Ouais. Moi hein, je suis un fan depuis toujours. J'ai vu tous les épisodes au moins 8 fois. Écoute. Oui, c'est... je suis en train de niquer ma réputation ce soir. Non, c'est pas vrai, c'est faux. Je mens. C'est pas que je ne voudrais pas t'apporter la contradiction, mais c'est que je suis obligé de te croire sur parole sur les Disparus du Clair de Lune. Et voilà. Mais ça a l'air très bien, effectivement. Mais j'ai encore 10 tomes de retard sur Kingdom. Donc non, je n'irai pas lire un roman, j'ai pas le temps. Ah, t'en es où d'ailleurs? Je me suis arrêté en plein milieu de la bataille, tu sais, vers la grande porte. Ah, ça doit être le début de la guerre de la coalition. Ouais, voilà. Et j'attendais en fait que les tomes s'accumulent un petit peu parce que je voulais surtout pas être frustré voilà, pour avoir l'intégralité. Je peux comprendre. Et là, je dois comprendre en avoir parce que 10. Cet arc-là, ça correspond en fait au moment où j'ai commencé à le lire en scan il y a 8 ou 9 ans. Ouais. Et en fait, j'ai commencé à le lire au moment où l'arc de la coalition commençait. Mais c'est. Et je peux te dire que lire ça semaine après semaine, c'était extraordinairement frustrant. Mais non, mais je veux bien te croire. Je me souviens encore que c'était la folie en fait sur tous les chats. Ah, mais grave. chaque chapitre, c'était « Oh putain, mais c'est dégueu !» Et on se demandait comment ça allait finir. Et voilà, donc tu es... J'aimerais être à ta place pour le redécouvrir une nouvelle fois, parce que c'est un truc que j'ai relu, mais nombre incommensurable de fois, et à chaque fois, c'est une claque absolue. Et tu vois, on se fait juste un petit point Kingdom. Hein, si... Nous, on n'a pas de pause musicale. Si vous voulez aller pisser ou vous récupérer à boire. Ça a déjà été fait. Non, ça a déjà été fait pour nous écouter des blatteries sur Kingdom pendant une heure. Ça a déjà été fait pour ma part. J'y suis allé. Je suis allé me rechercher un café. Et... Tout ça en pleine discrétion. Bravo. Et tu vois, le truc qui m'épate sur Kingdom, c'est que on peut enquiller les tomes et les chapitres à une vitesse assez folle, sans qu'à un seul moment j'ai vraiment eu le sentiment que la tension retombe, et au contraire, ça ne fait que monter, et sans avoir la pression du nombre de mangas à lire. Quand j'en ai parlé quelques fois, c'est vrai qu'on m'a souvent posé la question, et c'est souvent une question qui revient, c'est en combien de tomes, les gens ils n'ont pas forcément envie de s'engager sur une lecture longue. Mais là, effectivement, il y a beaucoup de tomes, mais la lecture, elle est tellement facile, fluide, et c'est tellement bien raconté que le nombre importe peu. Il n'y a aucun moment où, en fait, tu te fais chier, où tu te dis « Ah, c'est un peu long, là ». Là, c'est juste... et c'est pour ça, tu vois, que j'attendais vraiment d'avoir un bon paquet de tomes de côté, parce que je sais que du moment où je commence à ranquiller Kingdom, mais les tomes, mais ils défilent à une vitesse incroyable, quoi. Et c'est... ça fait partie vraiment des tout meilleurs mangas que j'ai pu lire, et c'est d'une ambition absolument dingue. Voilà, et un grand merci de me l'avoir fait découvrir. Ah, mais tant que je peux convertir le plus de gens possible, c'est mon plaisir. Voilà, c'était le petit point Kingdom. Je suis désolé, mais c'est absolument merveilleux. Il y a toujours Kingdom. De la place pour un point Kingdom. Lisez Kingdom, c'est totalement dingue ce truc. Et on va passer. Mais en 2050, on érigera des statues à l'honneur de Sam en disant le plus grand gourou de la secte entertainment du monde. Hein. Mais on n'aura pas son visage parce qu'on ne le connaît pas. Non. Voilà, comme Allah, on ne peut pas dessiner Sam parce qu'on ne connaît pas son visage. Voilà. Et Steve, tu vas nous parler. Alors là, c'est pareil. Là, j'ai envie que tu nous expliques aussi pourquoi tu aimes Star Trek. Qu'est-ce qui te plaît? J'ai envie d'en savoir plus sur ton amour pour Star Trek. Alors, je pourrais vous renvoyer à la très bonne émission qu'a fait Rémi, qui s'appelle Pourquoi j'ai découvert Star Trek. C'est un entretien que j'avais fait avec lui il y a un petit moment. Ouais. Je vais faire en très très court. Star Trek, j'ai découvert ça fin. J'ai toujours été en contact avec Star Trek, en fait, parce que j'avais. Depuis tout jeune, j'ai vu les films sans forcément accrocher à l'univers. Et vers l'âge de 16-17 ans, j'ai commencé à m'y intéresser beaucoup plus. Et c'est un univers dans lequel je suis plongé de par sa richesse. Et c'est ce qui m'a toujours intéressé, en fait, dans cet univers, c'est la richesse de cet univers. Et tout ce qui a été construit, le fait qu'on n'oublie pas les choses, le fait que le monde avance et des races que tu as vues dans un épisode vont pouvoir revenir et jouer un rôle plus important plus tard, quoi. Et qu'il y a toute cette mythologie qui s'est mise en place. Donc c'est toujours ce qui m'a intéressé, un peu comme dans les comics en fait. C'est vraiment tout ce qui m'a intéressé avec les comics, c'est-à-dire le côté continuité, le côté univers partagé qui avance, c'est ce que je retrouvais dans Star Trek et c'est ce qui m'a plu énormément. Et je suis allé voir Picard. Alors ? Je vais essayer de rester poli. Oh non, merde. C'est de la merde. Oh là là. Non, enfin, c'est. Je vais pas dire que c'est de la merde parce que, enfin, ce serait pas forcément vrai de dire que c'est de la merde. C'est-à-dire que c'est la série s'appelle Star Trek Picard. Moi, j'appellerais ça Battlestar Wars Galactica 2. Picard. Je mettrais pas Star Trek dedans. Je n'ai rien retrouvé de Star Trek là-dedans. D'accord. Y a rien. C'est une série résolument moderne dans son approche visuelle, résolument moderne dans sa narration, puisque c'est une série en 10 épisodes ultra feuilletonnante. Si t'attaques à l'épisode 6, tu comprendras jamais rien. C'est une série qui n'a de Star Trek que l'image et la licence et n'en fait rien. Je sais qu'il ne faut pas forcément rester axé sur le passé et qu'il faut accepter que les choses se modernisent. Mais moi, je suis très gêné quand j'entends des fucking à tout bout de champ dans les épisodes de Star Trek. Ça me gêne. Ça n'a pas sa place. Pour moi, voilà, exactement, ça n'a pas sa place pour moi. Je ne te conseille pas la série Harley Quinn. Ah, mais dans une série Harley Quinn, je m'en fous à la rigueur. Enfin, je veux dire, avec le personnage. Je suis allé voir le premier épisode. J'irai pas voir la suite. Hein. Parce que là, t'es choqué. Enfin, c'est même pas que j'étais choqué. Mais manifestement, la définition de l'humour pour les scénaristes de cette série, c'est de mettre fuck toutes les 3 secondes. Tu parles de la série animée Animée, ouais. Alors, déjà, voir un animé où t'as les personnages qui disent fuck, ouais, ok. Voir des personnages d'essai dire fuck toutes les 3 secondes, bizarrement, moi, ça m'a pas fait rire. Donc, je peux comprendre tout à fait que Steve se dise, mais pourquoi j'ai une série Star Trek où il y a le mot fuck même qui apparaît. Ben, ils l'ont utilisé déjà, je sais plus si c'était dans le premier ou le deuxième épisode, où Picard parle à un amiral et l'amiral l'envoie chier en lui disant de shut the fuck up, tu vois. Déjà, je me dis, oh là là, oh, oh, qu'est-ce que c'est que cette pente dangereuse. Mmh. Et mais plus la série avance, pire c'est. Pire c'est. Il y a des fucking tout le temps. Et je trouve que ça ne colle pas avec l'esprit Star Trek. Ils ont détruit l'univers. Totalement, ils ont rendu la fédération. En fait, c'est juste Patrick Stewart qui s'est fait son kiff, qui s'est dit moi, je veux faire un truc, j'accepte de revenir que si je peux faire un truc aussi sombre que Logan. D'accord, mais non, en fait. Non, c'est un égo trip de papy, là, et j'avais envie de parler du Brexit, j'avais envie de parler du nationalisme, et je vous colle tout ça dedans. Mais ouais, mais c'est pas la place. C'est pas la place. Fais-le de façon subtile. Ne le fait pas de façon aussi appuyée. Comme je disais, toute l'esthétique me dérange parce qu'au-delà du scénar qui, d'une, n'avance pas beaucoup, n'est pas très intéressant. Si ça n'avait pas été une série Star Trek, je n'aurais pas été jusqu'au bout, déjà. J'aurais arrêté après l'épisode 3. Faut savoir que le pilote était censé être un double. Ils l'ont agrandi en 3 épisodes. Rien que déjà ça, vous imaginez le rythme chiant que ça peut être. Il y a toute l'esthétique moderne, c'est-à-dire que les fringues, je veux dire, Star Trek, bon, ils n'ont pas forcément toujours eu des goûts très très prononcés pour la mode dans le futur, hein. On avait des choses un peu dégueulasses, mais ça rendait la chose assez intemporelle. Quand tu regardais visuellement la série, que tu regardes TNG, que tu regardes Deep Space Nine, aujourd'hui encore, ça a plus de 25 ans, mais ça tient la route. Alors oui, les effets ont un peu vieilli, oui, les coupes de cheveux, ah, tu sens que ça n'a pas été tourné hier, mais ça tient encore la route. Picard, dans 5 ans, ce sera daté. Dans 5 ans, tu auras l'impression que c'est daté. Ils ont des fringues, ce sont des fringues que tu portes dans la rue aujourd'hui. Et ça ne pose pas de problème. Tu seras à la mode. Vas-y, vas-y. Non, non, mais je trouve... Sincèrement, en tant que fan, je me sens insulté. J'ai l'impression qu'on me crache à la gueule. Et je ne vous parle même pas des lens flares permanents. Alors, excuse-moi mon inculture crasse, mais c'est quoi les lens flares? Tu sais, les petits halos de lumière là, que tu vois dans toutes les productions de J.D. Abrams tout le temps, là, la lumière qui te passe en plein dans la gueule, le petit point de lumière dégueulasse à l'écran. Et ça, il y en a tout le temps. C'est ridicule, en fait. À un moment, c'est ridicule. J'ai vraiment le sentiment que les fans de Star Trek, vous êtes quand même assez tristes et assez maltraités depuis un petit paquet d'années, quand même. Hein. Mais bon. Les films, ils étaient bien. Le dernier film. Ouh, je crois que tu vas te faire engueuler. Ben, alors, moi, j'ai bien aimé. Non, non, mais les films récents, ce qu'on appelle la KTL, la Kelvin Timeline, c'est une réalité parallèle, quoi, puisque les choses ont été changées. Il suffit de voir le premier film. Hein, c'est un mec qui revient dans le passé pour changer les choses. Alors, non, je les aime pas. Pour moi, ils n'ont rien à voir avec le canon de Star Trek habituel. C'est-à-dire qu'on a tout changé. Mais en eux-mêmes, ce sont de très bons films de SF. Et je les trouve, malgré tout, plus proches de l'esprit Star Trek que Picard. Qui est pourtant, lui, canon vraiment, quoi. Qui est dans la véritable chronologie Star Trek. Eh bien... Alors, non, je les aime pas, mais pour moi, ils sont presque plus Star Trekiens que les Star Trek réels Picard, quoi. C'est quand même terrible. Moi, j'ai jamais été trop Star Trek, mais je me souviens que j'étais tombé, je sais plus sur quelle chaîne, sur la série Star Trek Universe, je crois, avec Robert Carlyle dedans. Ah, c'est Stargate. Stargate Universe. Ah oui, non, c'est Stargate, c'est pas Star Trek. Ouh, toi, tu veux vraiment te faire casser la gueule à la sortie du podcast. Stargate Universe, j'ai eu beaucoup de mal. J'étais un gros fan de Stargate aussi. J'ai eu beaucoup de mal avec Stargate Universe de par leur approche très Battlestar Galactica. En fait, c'est un truc que je comprends pas. Pourquoi essayer d'aller copier d'autres franchises et d'essayer de faire des choses différentes alors que tu as une franchise qui marche. Bah, en même temps, Stargate Universe, elle est arrivée au moment où la franchise Stargate était un peu à bout de souffle à ce moment-là. Donc je pense qu'il y avait un besoin de renouveler un peu les choses, sauf qu'ils sont allés dans une direction qu'ils ne maîtrisaient pas vraiment. Parce que le pitch de départ est intéressant, hein, le Stargate Universe. C'est, de mémoire, c'est la découverte d'un vaisseau ancien et qui va se perdre au fin fond de l'univers, en fait. Ouais, de l'univers, ouais, dans une autre galaxie, et ils sont coincés, quoi, ils peuvent pas rentrer. Donc il y a vraiment, vraiment une idée super intéressante, sauf qu'en fait, c'est traité de manière relativement chiante, avec un rythme qui est très lent. Voilà, les personnages sont là, les idées sont là, mais l'énergie qui faisait Stargate, en fait, n'y est plus. Donc, ça, de mémoire, ça commençait à s'améliorer un peu dans la saison 2, au moment où justement ils annulaient le titre, enfin ils ont annulé la série, mais ils avaient redressé la barre, je suis d'accord, ils avaient redressé la barre. Moi, c'était l'approche très Battlestar Galactica, avec des complots constamment, des personnages qui peuvent pas s'empêcher de se trahir les uns les autres, qui ne se disent rien, qui ne se parlent pas. Et c'est ce qui m'avait dérangé dans Stargate Universe, cette approche très froide, même dans l'esthétique, c'était très froid. Alors que Stargate avait un côté beaucoup plus chaleureux et tu te rangeais derrière les personnages. Là, t'as aucun personnage dans Stargate Universe derrière lequel tu pouvais te ranger. C'était tous des traîtres et c'était tous des enculés les uns pour les autres. Ouais. Et c'était ça qui était dérangeant. Et il y avait plus cet esprit de camaraderie comme tu pouvais avoir dans Stargate, comme tu pouvais avoir dans Stargate Atlantis, où t'avais une équipe soudée qui devait affronter les problèmes. Ça les empêchait pas de s'engueuler de temps en temps quand ils étaient pas d'accord, mais t'avais une équipe soudée, quoi. Et Stargate Universe, t'avais pas ça. Et moi, à partir du moment où il n'y a pas de personnages à lesquels je peux me raccrocher, que j'ai envie de suivre, ou j'ai envie de les voir réussir, bah ça me gêne, quoi. Quand j'ai des personnages où j'ai qu'une envie, c'est qu'ils se fassent attraper et qu'ils se fassent punir. Non, je suis pas masochiste. Je suis pas masochiste, quoi. Alors, ça peut fonctionner sur certaines séries. Je vais prendre l'exemple de Breaking Bad parce que c'est l'anti-héros ultime. Ou The Shield, pareil. Mais il y a quand même derrière toujours une première motivation un peu noble. Bon, ça se barre en couille, on est d'accord, mais il y a une autre motivation un peu noble. Dans Breaking Bad, il voulait mettre de l'argent de côté pour sa famille, pour le cancer, une fois qu'il sera mort. Pour The Shield, tu te rends compte que, ouais, ils font des coups en douce, mais c'est pas si simple que ça. Ça permet aussi de mettre de l'argent de côté bah, pour le gamin qui est autiste. Oui, ils sont un peu pourris quand même, mais... Un peu beaucoup, Il y a quand même, tu vois, malgré leur côté pourri, l'histoire fait que tu arrives à te ranger derrière eux, tu as quand même envie de les voir s'en sortir. Je n'avais pas ça avec Universe. Et petite question qui n'a pas ça avec Picard. Non, a priori, non. Mais à part une crise de foi, il n'aura rien d'autre avec Picard. Je crois que c'est mort. je sais qu'il y a des comics Star Trek, puisque tu en parles régulièrement, mais est-ce que c'est édité en VF ? Pas de mémoire, non. Alors, ils avaient commencé à en sortir, mais ils ont arrêté. Je t'avoue que je m'y intéresse pas trop pour ce qui est sorti en VF, honnêtement. Donc là, je vais avoir beaucoup de mal à te donner une réponse certaine. Je sais que ça avait commencé. J'ai réussi à t'avoir. Ah oui, clairement. De toute façon, on avait. Je crois pas en avoir vu depuis longtemps. Hein. Je m'y connais pas trop en VF. Mais ouais, ils en avaient sorti, ils ont tenté le truc et ils ont arrêté. Parce que ça n'avait pas si bien marché que ça. Pour ce qui est de la VO, il n'y en a pas des masses de toute façon, il n'y a que IDW qui en publie. Ils ont pas mal réduit la voilure parce qu'ils avaient une série ongoing justement où les personnages étaient ceux des films qu'on avait pu voir dans J.J. Abrams. La série a duré 60 épisodes. Là aujourd'hui on n'a que quelques petites mini-séries de temps en temps. Voilà, c'est assez sporadique. Il n'y a qu'une série régulière en cours, c'est Star Trek Year 5 qui reprend la cinquième année de la mission de l'équipage classique, donc la série originale. Parce qu'à la base, c'était censé être une mission de 5 ans. On a eu les 3 premières années dans les 3 premières saisons qui ont été faites en série. Et puis ensuite, la série s'est arrêtée parce que elle ne marchait pas assez. Donc, ils avaient décidé d'arrêter la série. Et donc, ils racontent en comics ce qu'ils imaginent être l'année 4, puis l'année 5. Et la Star Trek Year 5 est très, très bien. On a Elijah Snow qui a un début d'explication quant à l'échec de Picard. C'est parce que le plus gros défaut de la série, c'est qu'il n'utilise jamais son pouvoir de télépathie. Voilà, j'ai trouvé ça très bien. Voilà. Le pitch de base pour reprendre sur Picard, grosso modo, le pitch de base, ça se passe 20 ans après la fin de Next Generation, enfin même après la fin de Nemesis, de Star Trek X Nemesis. Les synthétiques, c'est expliqué dès le début de la série, en fait. Hein. Toutes les formes de vie artificielles, donc comme le Commander Data, ont fait un attentat sur les chantiers spatiaux de Mars. Et alors que Romulus allait exploser, donc la planète des Romuliens, et que la Fédération était en train d'essayer d'aller les sauver, cet attentat des synthétiques fait que tous les synthétiques ont été bannis et Romulus n'a pu être sauvé. Et Picard s'en veut depuis ce jour-là. Il a démissionné et il s'en veut depuis ce jour-là. Sauf que il va se rendre compte que les synthétiques sont peut-être pas tous disparus comme il pourrait le croire, et qu'il y a un espèce de plan conspiration derrière tout ça. Et tout ça est très malvenu et très mal raconté, en fait. Malheureusement, c'est très très mal raconté. On ramène des vieilles gloires de temps en temps pour essayer de faire plaisir aux fans. Je pense notamment à l'épisode 7 où on revoit pas mal d'anciens membres du cast. Mais c'est pas agréable. C'est pas très agréable, en fait. Ça te fait plaisir 2 minutes en tant que vieux fan. Puis après, tu te dis, ouais, ok, mais tout ça, pourquoi? Et en fait, tout l'épisode 7, c'est ça. C'est-à-dire qu'une situation qui aurait pu être réglée en, allez, 10 minutes de screen time, on te rallonge le truc sur tout l'épisode pour essayer de te faire ressentir une émotion. Émotion qui n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Alors, je vous dévoile pas pourquoi cette émotion, pour que vous puissiez la découvrir si vous aviez envie, mais perso, je n'ai jamais rien ressenti. Si, la seule chose que j'ai ressentie devant Picard, c'est de l'ennui. De l'ennui, et j'ai passé la majeure partie de la série à me facepalmer. En me disant, mais non, ça n'a pas de sens. Non, ça ne sert à rien. Non, c'est con. C'est beau parce qu'on sent à la fois tout ton amour pour Star Trek et toute ta désolation pour cette série. Je suis désolé pour toi, je te jure, je compatis, quoi. Mais c'est bon. J'ai vu Gré Pigeon tout à l'heure qui demandait si qu'est-ce que je préfère. Enfin, qu'est-ce qui était pire, Picard ou Discovery? J'avais essayé Discovery, c'était très très nul. Hein. Je sais pas. Je dirais Discovery, parce que Discovery, j'ai carrément arrêté, j'ai même pas été au bout de la première saison. Donc peut-être Discovery, mais... Discovery, j'ai dû me faire 3 épisodes, je crois. Et ouais, non. Non, merci, ça ira. J'ai tenu 3 épisodes également. Et un des trucs qui m'a aussi beaucoup dérangé dans Picard, et j'ai compris, ça m'a fait le déclic tout à l'heure, parce que je me suis forcé à voir les derniers épisodes exprès, parce que je savais que j'allais en parler ce soir. Donc j'ai fini la saison tout à l'heure. Oh, c'était dur. mais bon. On ne verra jamais un seul Klingon dans tout Picard. Jamais. Et j'ai compris pourquoi, en fait. Parce que pourtant, les Klingons n'ont pas disparu dans les 20 ans qui séparent le truc. Non, on les mentionne, je crois, une fois ou deux, qui sont un peu plus recentrés sur eux-mêmes. Mais c'est pourquoi ils n'ont jamais montré de Klingons à l'écran? Parce que comme ils ont chié sur les Klingons dans Discovery, qui leur ont changé la tronche, qui t'ont fait des Klingons qui ressemblent à rien, qui n'ont rien à voir avec des Klingons classiques, bah, s'ils les mettaient dans Picard, ça les foutait dans la merde. Donc, ils ont fait le choix de ne pas les mettre pour ne pas se foutre dans la merde vis-à-vis de Discovery. Et c'est complètement débile. Ça n'a aucun sens. Eh ben, écoute. Il y a des futurs projets annoncés ou pas? Oh, une saison 2! Ben, bien sûr, elle a été annoncée. C'est ça, en plus, c'est-à-dire que le peu de tension qu'il pourrait y avoir lors du dernier épisode est totalement annulé parce qu'on savait déjà dès l'épisode 2, quand il a été diffusé, parce que c'est diffusé un épisode par semaine, que Picard était renouvelé pour une saison 2. Donc la moindre tension qu'il pouvait y avoir, ben, il n'y en a pas. Tu sais très bien que ça revient avec Patrick Stewart. Donc tu sais très bien que tu ne peux rien craindre pour le personnage principal. Il aurait été très couillu de le faire crever. Et de continuer, je ne sais pas, en donnant le nom de Picard à un vaisseau, ça aurait été couillu. Mais non. Tu savais d'ores et déjà que Picard serait présent dans la... Enfin, que Patrick Stewart serait présent dans la saison 2. Qu'est-ce que tu peux craindre pour le personnage principal? Il n'y a que le coronavirus qui peut nous sauver, quoi, en gros. Oh non, c'est dégueulasse. Non, je ne lui souhaite pas. Je lui souhaite pas quand même, mais je lui souhaite de se reprendre. Je lui souhaite de se reprendre et d'arrêter de nous faire son petit ego trip sur cette série et d'essayer de se recentrer sur développer véritablement l'univers. Soi-disant, c'est un univers qu'il aime. Merde, si c'est comme ça que tu l'aimes, ton univers, ben, qu'est-ce que c'est quand tu l'aimes pas, quoi? Waouh, c'est violent. Et il y a d'autres séries, il y a d'autres séries de projets. Il y a Discovery saison 3 qui va arriver. Il y a une série animée qui doit arriver qui s'appelle Lower Decks, de mémoire. Y a une série, on parlait d'une série Section 31 aussi, il y a une série sur le Capitaine Pike aussi qui doit arriver. Enfin, ils en foutent de partout, mais alors si c'est pour que ce soit aussi bon, bah, ils peuvent s'arrêter. C'est bien triste. Justement que, enfin, c'est généralement c'est pas bon signe quand ça multiplie les projets mais qu'ils sont tous pourris. Ça sent juste la planche à billets qui est en train de tourner, quoi, ni plus ni moins. Ah, bah, c'est surtout qu'ils sont en train de lancer leur service de streaming et qu'ils ont besoin d'un produit d'appel et que Star Trek c'est un produit d'appel. Eh bien, voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Et franchement, j'aurais aimé cette série. J'y suis allé en me disant, allez, je vais l'aimer. Enfin, c'est Picard. Mmh. Là, c'est on revient aux vieilles gloires, quoi. Et je pense que c'est peut-être ça aussi qui a rendu la déception plus terrible. C'est peut-être parce que j'avais vraiment envie d'aimer cette série et que malgré tout, j'ai pas réussi. Mais faites-vous un avis. En plus, le premier épisode est disponible gratuitement. CBS l'a rendu gratuitement disponible sur YouTube. Donc, même si vous n'avez pas Prime, parce qu'il n'y a que sur Prime que vous pouvez le voir en France, et que vous voulez rester dans la légalité, vous pouvez regarder le premier épisode sur YouTube gratuitement. Faites-vous un avis. J'irai peut-être le voir pour me rendre compte du truc. Bah, j'aimerais beaucoup accrocher à l'univers Star Trek et en apprendre un petit peu plus. Je me disais très sincèrement qu'avec Discovery, ce serait peut-être... une porte d'entrée, alors non, c'était juste un mur, c'était nul à chier, et Picard, moi j'irais peut-être voir quand même, peut-être que moi qui connais pas grand chose à l'univers Star Trek, peut-être que ça réussira un peu plus sur moi, faut voir. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait... Je suis désolé, j'ai monopolisé la parole très longtemps, j'en suis désolé. Tu t'es fait plaisir, en même temps, on sait qu'il te laisse pas beaucoup le temps de parler de Star Trek, tes collègues, donc voilà, on avait convenu ensemble que tu pourrais... Bah oui, parce qu'à chaque fois que Steve parle Star Trek, moi je réponds Babylon 5, donc évidemment... Mais c'est très bien Babylon 5, hein. J'adore oui, Babylon 5. C'est mieux surtout. Non, faut c'est les pas points de vue. Ah non, c'est pas mieux. Tu pourras dire c'est mieux quand t'auras vu du Star Trek. Tu regardes Deep Space Nine et après on compare. À chaque fois que j'ai essayé de regarder du Star Trek, en fait, ça. Non. Voilà, chaque épisode, au bout de 15-20 minutes. Moi, je sens que cet univers, il me plaît, il m'appelle. Tu vois, les films de DJ Abrams, c'est quand même des trucs que j'ai, j'ai bien aimé. Le problème, c'est que c'est des films qui fonctionnent. Il l'a dit lui-même, c'est parce qu'il avait introduit une dimension de. En fait. De Star Wars, en fait. Il a fait une injection intraveineuse de Star Wars dedans pour que ça fonctionne. Voilà. Mais j'ai surtout aimé le premier. Oui, voilà. Celui-là, c'est le meilleur. Mais, le deuxième est clairement moins bon. Mmh. Et j'ai pas vu le troisième. Le 3, il est anecdotique, vraiment. Alors que le 3 est celui qui se rapproche le plus de l'esprit Star Trek. Ouais. Ah bon ? Ouais. Alors je suis peut-être vraiment pas fait pour Star Trek. En tout cas, merci d'avoir partagé ça avec nous. On est maintenant à la fin de cette émission. On a fait un petit peu le tour de nos geekeries. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus que, bon, je vous l'ai déjà dit, mais je tiens quand même à le redire. C'était vraiment un énorme plaisir que de vous avoir avec nous ce soir, parce que déjà, avant toute chose, on est des grands fans et des grands consommateurs de tout ce que vous faites. Et merci beaucoup. Vraiment, ne serait-ce que le nombre d'années depuis que vous êtes là ne traduisent évidemment que votre énorme passion et votre engagement total pour cette passion, ni plus ni moins. Et c'est un plaisir d'écouter à chaque fois toutes vos émissions. Je compte sur vous pour passer bonjour à tout le reste de l'équipe, Mr. Ron et Bunny, etc., etc. Ah, mais ce sera fait avec grand plaisir. Et quoi qu'il arrive, voilà, si vous ne connaissez pas, bande d'hérétiques que vous êtes, Comic City, mais allez-y, faites-vous un gros kiff. Enfin, voilà, c'est ne serait-ce que les Comic City of the Future Past, ce qui se passait il y a 20 ans. Enfin, c'est chaque émission est absolument géniale. Et voilà. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, mes deux confrères. Dramot. Non, moi, je suis en mode fangirl. Hein. pareil. Non, c'était un plaisir de vous recevoir, vraiment. Non, mais merci à vous. Nous, ça nous a fait super plaisir et franchement, enfin, c'est hyper gentil, c'est hyper touchant. Je sais. Oui, ça fait bizarre. Très gêné par ce genre de choses-là. Se dire qu'on est les tauliers, ça me fait tellement bizarre. Ah ouais, non, mais enfin, oui, puis c'est la réalité, c'est factuel. Enfin, voilà, ça fait 10 ou 12 ans que vous faites ça. Et moi, ce que j'aime aussi, c'est On a eu l'occasion de se le dire en privé, mais c'est le voilà. Enfin, vous êtes honnête, vous êtes droit. Quand il y a quelque chose qui vous plaît, on le sait. Quand il y a quelque chose qui vous plaît pas, on le sait aussi. Et c'est nécessairement beaucoup plus facile et beaucoup plus attrayant de vous écouter, parce qu'on n'a pas l'impression d'écouter des gens qui essayent de nous vendre quelque chose, mais qui essayent simplement de partager leur passion. Et c'est tout ce qu'on peut souhaiter aux gens qui écoutent des podcasts. Voilà, c'est moi, j'ai pas envie d'écouter des vendeurs. J'ai envie d'écouter des gens qui comme moi sont des consommateurs et des passionnés. Et j'ai appris plein de trucs avec vous, et à chaque fois que je vous ai écouté dire du bien de quelque chose, je sais qu'il n'y avait pas une volonté ou une idée mercantile derrière. Et voilà, ne serait-ce que pour ça, voilà, j'invite vraiment tout le monde à aller se faire son propre avis et à vous suivre, parce que vous êtes non seulement des passionnés, mais des gens bien, et c'était un putain de plaisir de vous recevoir, vraiment. Ouais, merci à vous. Encore. Merci énormément. Et puis, de toute façon, on vous réinvitera, vous reviendrez quand vous voulez, vous êtes les bienvenus, il n'y a aucun problème. Avec grand plaisir. Quand vous voulez. Voilà, et bah, écoutez, demain, nous, on ne fait rien. Non, je déconne. nous, on a l'émission à préparer demain. Donc, ouais. C'est vrai que oui, lundi, malheureusement, enfin, malheureusement, non, heureusement, mais c'est vrai que lundi, on a un spécial et. Bon, alors, on l'a déjà annoncé. C'est sur Flash, donc ça fait quand même pas mal de choses à revoir. Et en plus, vous aimez Fly, je le sais, j'avais oublié de le dire, ça aussi. Ouais. Ah mais là, oui. là. Oui, mais oui. Putain, oui, on adore Dragon Quest. Oui, on croise les doigts pour la nouvelle adaptation animée qui devrait débarquer en fin d'année. Oui, ça j'espère va qu'il chier, sera à la hauteur. Oui. Mais... Et cette fois-ci, ils adapteront tout, en fait, surtout. Oui, qu'ils ne s'arrêteront pas à Baran. C'est-à-dire au moment où ça part. Oui, là où ça part, ça devient vraiment bien, en fait. C'est-à-dire que les 7-8 premiers volumes sont bien. Très classique, mais bien. Et en fait, à partir du moment où le père de Fly arrive, là, ça part. Alors là, ça bifle. Là, on peut se le dire, c'est 23h. Voilà, les enfants sont couchés, ça bifle à tout. Alors là, c'est énorme. Bon, allez, je pense qu'on va en rester là. Merci encore d'être venu. Merci à tous les gens présents sur le chat. On vous tient au courant sur les réseaux sociaux pour l'éventualité d'un round 5. On va en discuter demain, Dramoud, Spider-Man et moi, pour voir si on a encore assez de geekerie, assez d'énergie pour vous proposer un autre podcast spécial confinement la semaine prochaine. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on vous dit à très bientôt. Des gros bisous. Salut. Salut. À bientôt.